Retro Nouveau. Salut tout le monde et bienvenue à ce 17e épisode de Rétro Nouveau. Le dernier épisode de l'année. Yes, dernier épisode de l'année. Une année qui a commencé en juillet par contre. C'est une demi-année quand même. On est des slackers. Ouais, non, mais on avait commencé le podcast en janvier à vrai dire, mais il n'y a juste pas eu d'épisode jusqu'à juillet. Mais en juillet, on a donné un coup aussi au début. On en faisait deux par semaine. Deux par semaine, c'est un marathon épouvantable. Ouais, c'est clair. Fait que dans le fond, au total, ça en fait quasiment pour un an, là. Ouais. Mais, comment est-ce qu'on faisait pour en faire autant? C'est fou, hein? Sur l'heure du midi. On avait du contenu en plus. On avait du contenu. On roulait. Ben, moi, je faisais pas Monsieur Net cet été. Non. Fait que, c'est vrai. J'avais un besoin urgent de parler de jeux vidéo. Mais on avait des épisodes de 40 minutes aussi. Ouais. À cette heure, on dirait qu'on est tout le temps à 1h30. On est sur le 1h30 maintenant. 1h40 aussi. Si on voulait garder ça court, ça marche pas partout. Mais 1h30, c'est correct pour moi. T'sais, c'est plus quand ça s'en va 2h, puis au-delà de 2h, j'ai un peu de misère, mais. On le voit au montage. On coupe des affaires. Ouais, c'est ça. En fait, ça dure 6 heures. Mais on coupe ça. Tellement de crap et d'affaires pas possibles, des affaires épouvantables, qu'il vous reste vraiment la crème. Là. C'est ça, exact. Fait qu'en tout cas, pour faire ce 17e épisode et cet épisode de fin d'année, ce qu'on a décidé de faire, c'est une rétrospective de l'année. On commencera pas à vous dire tout ce qu'il y a eu de merveilleux cette année, mais on a tout simplement choisi chacun des jeux qui nous ont fait triper cette année, puis on va en parler. Ouais. Ben toi, c'est tous des jeux de l'année, là, dans le fond. Moi, en ce qui me concerne... Ben tout est la partie rétro, même. Ouais, c'est ça. La partie nouveau. Absolument. J'ai quand même des jeux de l'année, mais j'ai pas joué à aucun des gros hits, là, justement, de l'année, mais j'ai joué à des hits, des choses que moi, je considère hits, qui sont hits plus personnels. Petites. Puis des jeux rétro que j'ai achetés aussi, qui m'ont fait triper cette année, dans le fond. Ce à quoi j'ai joué cette année et que j'ai aimé. C'est ça. Ça peut être un jeu d'Atari, un jeu de Coleco, n'importe quoi. Ouais. Donc, c'est comme ça que je vais faire. Ben écoute, ça va donner une saveur différente à cette rétrospective-là. Ouais, ça et va. Et nous autres, dans cet épisode, vous ne retrouverez pas Skyrim. Non, pas de Skyrim. Parce qu'il n'y aura pas de Modern Warfare. Ouais, Modern Warfare non plus, parce que j'ai pas encore joué. Je peux pas le mettre dans mon top de l'année. Ça serait... Dark Souls non plus. Non, Dark Souls. Mais c'est pas des jeux. Dark Souls, moi, c'est quelque chose que je pense qui m'intéresserait. C'est juste que là, premièrement, il vient de sortir, il est trop cher. Je vais attendre qu'il baisse, puis j'ai pas le temps non plus. Mais quand il va être plus bas, là, ça va être comme Metal Gear 4, là, tu sais, je vais l'acheter, puis je vais y jouer un jour. À retraite, là, comme tu dis. Ouais, c'est ça, tu vas jouer à retraite. Ben, faut bien que tu te mettes au même niveau. Dans Metal Gear, Snake est rendu vieux. Il est rendu vieux, ben c'est ça. Tu sais, je vais être vieux. Tu joues quand t'es retraité. Tu vas chercher ton chèque de pension, une petite game de Metal Gear. Donc, non, ces jeux-là m'intéressent vraiment, par exemple. Dark Souls, là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ça a l'air cool, Dark Souls. Ça a l'air quand même pas mal cool, pas mal dur. Oui. Mais ça me fait pas peur, man. Parce que je suis capable. Faut pas avoir peur des défis. Non. Non, monsieur. Donc, ce qu'on va faire, dans le fond, on va faire notre top 10, on va alterner un jeu. On va aller à tour de rôle. Puis on va descendre ça de même. On est très relax à soir. On n'a pas vraiment de préparation. D'ailleurs, je pensais qu'on enregistrait demain, mais Bruno, il a oublié de me dire que c'était aujourd'hui. Ils m'ont changé mon horaire à Monsieur Net. On fait tout le temps ça après Monsieur Net. Puis là, dernière minute, on a changé ça. Fait que c'est ça. Mais je suis prêt, là. Fait qu'on on a nos listes ici. On va partir ça. Et puis, on fait ça. Ben relax. Fait que écoute, pars le bal, man. Oh, ok. Ben écoute, je vais partir là-bas. T'es pas prêt à ça, mais. Ben, je suis prêt. Donc, ce sera pas tous des jeux que j'ai critiqués, en fait. Non, ben tant mieux. Parce que, ouais, non, c'est ça, plus, tant mieux. Pas des jeux il y en a quelques-uns, là, mais c'est pas tous des jeux que j'ai critiqués. Ouais. Mais le premier, c'en est un, et ce sera Aliens Infestation, ODS, que j'ai sélectionné parce que, premièrement, la façon dont le jeu est fait, ça me rappelait énormément Alien 3 au Super NES, que j'ai adoré, bien sûr, vous avez écouté l'épisode. Puis, ça me faisait du bien de retourner dans cet univers-là. Ouais. Puis, j'ai trouvé que c'était bien fait, un excellent jeu de Way Forward. L'animation, l'ambiance, tu sais, vraiment, là, épeurante, spatiale. Ah ouais, toutes c'est les claustrophobique, vraiment. Ah, total. La musique, la façon que les armes fonctionnent, toutes les marines qu'on peut trouver là-dedans. J'ai, Game over, man! Il est pas là-dedans, par exemple, mais t'avais le knife trick, là. Ça, c'était quand même un bel ajout, quand même, faut le mentionner. Puis, c'est ça. Puis, aussi, parce que c'est un jeu de DS. Ouais. Puis, la DS, là, des jeux de DS, sur sa fin, là, vie, ça achève, là, ouais. Vraiment, vraiment. Donc, je trouvais que c'était un bel effort, un dernier effort digne de mention, ouais. De sortir un jeu comme ça, très complet, quand vraiment. Même, là, qu'il y a eu un bon effort de fourni. Puis, moi, j'ai eu bien du plaisir. Petit bémol, par contre, comme je te disais, j'ai passé au travers. J'ai probablement manqué des choses. Là, il va falloir que je le refasse comme il faut pour aller voir tout, mais je me suis dépêché. À ta pour retraite. Ouais, à ma retraite avec Metal Gear. Mais non, peut-être pas à retraite parce que j'aurais le goût peut-être de rejouer. Que ça. C'est ça. Je dis console portable, c'est plus facile aussi. Ouais, absolument. D'ailleurs, j'ai commencé à jouer. J'ai joué dans l'autobus aujourd'hui pour la première fois de ma vie. Bon. J'ose pas sortir la 3DS de chez nous. Je veux pas la briser. Mais là, non, je sais, c'est fait pour ça. Mais déjà, je trouve que l'écran du haut est un peu slack. Là. Ouais. Ben, à moins que quelqu'un vienne vraiment frapper ta 3DS, t'auras pas de problème. Ouais, non, ben, j'en aurais pas. Puis en plus, non, ben, ça fait vraiment passer le trajet très rapidement. Oui, vraiment. Puis j'ai des places assises habituellement, donc ça me permet de jouer bien à l'aise. Alors, je vais sûrement repartir à Aliens dans une ride d'autobus pour essayer de tout ramasser. Juste le genre de gars-là, moi, qui refait les jeux pour ramasser. Puis tout trouver. Quand t'as vraiment trippé sur un jeu, c'est le fun. Ben ouais, c'est ça. J'ai hâte du fun à le faire. Tu le redécouvres, tu sais. Moi, j'ai hâte de jouer à Aliens Infestation. J'ai pas joué pendant tout, puis il était sur ma liste d'achat. Puis ah ouais, ben je te le prêterai ou tu l'achèteras. Il doit venir pas cher à un moment donné. Ah, écoute, c'est déjà pas cher, là. DS, ben, 30$, sont tous à 30$. Ouais. Mais tu sais, considérant la qualité du jeu, 30$, je trouve ça correct. C'est un bon jeu. C'est un bon prix, c'est quand même correct. Oui. Donc, c'est mon premier jeu. En passant, il n'y a pas de premier, deuxième, troisième. Ouais, c'est nos meilleurs jeux de l'année. Les meilleurs. Sauf que à la fin du podcast, on va quand même dire quel est notre meilleur jeu de l'année parmi tous ces jeux-là. Et une déception de l'année aussi. Oh que oui, c'est important. fait que moi, je commence avec mon premier jeu de l'année. Un jeu que tout le monde semble avoir oublié vraiment. Parce qu'il est sorti au début de l'année. C'est ça, il est sorti en janvier. Puis moi, je regardais les tops puis tout ça un peu partout. Je suis pas mal au courant de ça. Puis personne n'a l'air de choisir. Dead Space 2, ouais. Qui était un excellent jeu qui a été fait ici. Puis, c'est fait par qui, ça? Visceral Games, publié par EA. OK. Puis vraiment, là, Dead Space 2, je veux dire, tout ce qu'il y avait dans le premier est tellement mieux dans le deuxième. Là. L'ambiance a vraiment été nettement améliorée. Je t'aurais pas vu jouer à ça au premier, à Tremblant, l'année passée. Oh, calvasse, non. C'est à Wii. Oui. Mais non, sur la Wii, tu m'avais vu jouer à Extraction. Dead Space Extraction. Ouais. Dead Space Extraction, qui est aussi inclus sur le disque de Dead Space 2, version PS3, parce que tu peux y jouer avec la Move. Okay. C'était un jeu que tu pouvais. Un jeu de shooting. Là. C'était un shooter sur rail. OK. Qui est aussi super le fun, mais rien à voir. Ben, c'est l'univers de Dead Space. Ouais, mais ça sauf que c'est pas, la... Dead Space 2. Mmh. C'est un. Extraction, il me semble, c'est un prélude au premier. OK. Fait que c'est ça. Fait que. Bref, moi, Dead Space 2, ce que j'ai aimé, c'est ça. Comme j'ai dit, l'ambiance est vraiment écœurante parce que ce jeu-là, l'audio est vraiment hallucinant. T'avais tout le temps la chienne. Puis, contrairement au premier, tu finissais par prévoir un peu ce qui allait te faire peur. T'sais, tu faisais comme, OK, ce bruit-là, je l'ai entendu des tonnes de fois. Je sais c'est quelle bibitte, je sais par où ça s'en vient. Ça s'en vient, go, paf, pif, paf, puis là-dessus. Puis le premier était vraiment difficile, puis il y avait des moments où j'ai vraiment trouvé ça idiot, à la limite, tellement c'était difficile, parce qu'il n'y avait pas d'armes, que je pouvais utiliser, tout ça. Moi, dans le premier, je suis resté jammé en deux pièces. Okay. J'avais plus d'armes, j'avais une tonne de nécroformes, l'autre côté, nécromorphes, l'autre côté, puis je pouvais pas les tuer. À cause des autosaves, ça. Oui, exact. Ah, là, là. Fait que, bref, ça, j'ai trouvé ça déplorable. Puis, dans le deuxième, il n'y a pas ça. Dans le deuxième, tout est bien pensé. Tu as des armes un peu partout, mais pas trop pour te rendre la tâche trop facile. Okay. Fait que ça, c'est vraiment réussi. L'histoire est super bonne. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment la suite du premier. Oui, c'est vraiment la suite du premier. Puis, le personnage, en plus, ils ont décidé de lui enlever son casque à certains moments. Ah. Puis, j'ai trouvé, c'est Isaac, si je me souviens bien, ça fait quand même longtemps. Puis ils ont gagné en faisant ça. Puis c'est quand même un gros move de faire ça, parce que quand tu as un personnage aussi iconique, puis que tu enlèves son casque, ah ouais, des fois ils font comme ah, c'est juste lui, tu sais, le monde trippe pas, tu sais. Mais comme Master Chief, hein? Ils ont jamais enlevé son casque. Hein? Ils ont enlevé son casque? Non, ils l'ont pas enlevé. Ah, moi, j'aimerais ça que Master Chief, là, t'enlèves son casque, puis c'est moi, Cheech. Cheech Marin avec sa grosse moustache. Ça serait écœurant, Master Cheech. Mais non, c'est ça. Fait que Dead Space 2, vraiment, là, c'est un incontournable. Il est sorti au début de l'année, donc évidemment, il y a plein de monde qui ont pris des cues de Dead Space 2 pour faire le jeu, pour s'en inspirer. Ouais. Mais c'était de la bombe quand c'est sorti en janvier, puis c'est encore un excellent jeu. Puis moi, c'est jusqu'à maintenant probablement mon meilleur jeu d'horreur là. Ah ouais? C'est, y a rien qui bat ça, c'est vraiment vraiment fort là. Mais c'est un first person ou un third person? C'est un third person shooter. Ah, okay. Ça, j'aime ça. Mais third person shooter, mais je pourrais te dire brawler en même temps, parce que tu te bats aussi à main nue. Ah ouais? Des fois t'es en effet d'apesanteur, puis tu vas te promener dans la station. Okay. T'as différentes armes, t'as différentes façons de battre tes ennemis, puis les ennemis sont vraiment grotesques, là, sont vraiment dégueulasses. Là. Okay. C'est une espèce de... On voit que c'est vraiment un hommage à The Thing. Ouais. Pour ce qui est des bébites, là, ça ressemble vraiment beaucoup. Puis les morts là-dedans sont écœurantes. T'sais, si tu fais juste un search dans YouTube, Dead Space 2 Deaths... La façon que tu te fais tuer, là, tu te fais d'affaires. C'est trippant. Là. C'est vraiment... Ils ont énormément d'imagination, les gars, c'est chez Visceral. Puis c'est un super bon jeu, super beau jeu, c'est un incontournable, puis moi-même encore maintenant, c'est facilement mes trois meilleurs jeux de l'année. Là. Cool. Yes. Bon, ben je vais enchaîner, moi, avec notre ami Kirby, qui a eu une bonne année, Kirby, côté jeu, cette année. Ouais, hein, il a pas chômé, Kirby. Il a pas chômé, bravo Nintendo. Puis, c'est bien sûr Kirby's Return to Dreamland. Ouais. Puis, c'était Kirby Wii avant. Ouais, Kirby Wii au départ, quand on l'avait essayé cet été. Puis, j'ai eu du fun avec ce jeu-là, vraiment. C'était un retour, ben, aux sources, là. Ouais, en fait, c'était rien de surprenant. On était dû pour l'avoir. Ouais. On l'a eu. Fait que c'était livré de belle façon. Il y avait, comme je disais dans ma critique, parce que je l'ai critiqué, beaucoup des combos d'attaque, tu sais, mais un méchant paquet, là. Ouais, ça rajoutait une bonne profondeur au jeu, vraiment. Puis moi, c'est ça qui m'a fait triper, là, tu sais, parce que Kirby, c'est pas compliqué, tu passes au travers. Mais là, de passer au travers de belle façon. Ouais. Parce que, tu sais, tu peux comme finir un jeu ou un brawler ou whatever en faisant tout le temps le même combo d'attaque, tu sais. Mais c'est dull. Moi, j'aime ça, être le maître des combos, tu sais, apprendre les combos et être capable de tous les faire. Fait que mon but avec Kirby, c'est être capable à un moment donné de bien gauger, tu sais, ce que chaque arme ou chaque power-up te donne, tu sais, puis être capable de faire tous les moves, parce qu'il y en a des uppercuts, des dives, tu sais, des slides, tu sais, deux fois par en haut, fait ici, par en arrière, un peu comme Street Fighter. Donc, j'ai trouvé que c'était un bel ajout. Puis, j'ai beaucoup aussi aimé jouer à 4. Ouais, c'est vraiment écœurant. C'était vraiment un beau bordel. C'était une bonne nouvelle formule, on dirait, seulement pour Nintendo. Tu sais, il y a même Rayman Origins qui est sorti, que j'ai pas joué encore. Ouais, moi non plus, j'ai pas joué, mais le monde y en parle. Là, c'est encore jeu à 4, platformers, c'est vraiment cool. Ben, c'est parfait pour les parties. Là. C'est le retour des bons jeux sur un sofa. Absolument. Moi, vraiment, ça l'a égayé notre samedi soir. Là. Tout le monde a trippé, même ceux qui connaissaient pas tout Kirby. Là. Donc, on a vraiment eu du fun avec ça. Ah, mais cool. Un petit bémol encore à ce jeu-là. Puis j'en avais même pas donné de bémol. Non. Ben, quand j'avais fait la critique, j'étais trop craqué. Puis c'était en écoutant la critique de Dan, le fun jouer jeu, ça m'a fait penser. Puis il avait bien raison. Ouais. Le jeu, c'est pas assez long. Ouais. Chaque monde a 5 stages. T'sais. Okay. Il me semble que c'est à NES, puis ça fait longtemps que j'ai pas joué. Il y en avait pas mal plus. Il était quand même pas mal long. Là. Ça ressemblait à Mario. Putain, ouais, c'est ça. C'était le même principe des 8 mondes. Ouais, avec, c'est ça. C'était 8. 8 mondes. C'était quoi? 8 mondes, 4 niveaux, je pense. C'était-tu 8 mondes, 4 niveaux, 8 mondes, 6 niveaux, mais il y en avait pas mal. Là. T'avais comme pratiquement une soixantaine de tableaux. Mais ben là, en tout cas, il y en a juste 5 par niveau. Ouais. Il y a 5 points d'étoiles, fait que ça fait 25 niveaux. Mais okay. ben là, après ça, il y a d'autres choses aussi, puis je suis pas rendu là encore. Mais je pense pas que ça va me rajouter là, 6 heures de gameplay ça. T'sais, le gros va être fait. Donc pour ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais écoute, dans l'ensemble, c'est un gros party, puis je suis très content de retrouver Kirby. J'ai eu bien du fun. Ah, c'est du bonbon, ces jeux-là, c'est pas compliqué. C'est le fun aussi quand tu fais essayer un jeu à quelqu'un, puis t'as pas besoin d'y expliquer. Absolument. Prends de manette, puis pif paf, il va. Ça fait du bien aussi pour nous autres, des fois, quand tu veux prendre un break, de te faire buter à un autre jeu, tu sais. Puis tu mets Kirby, puis là, tu progresses, tu sais. Puis c'est le fun de refaire pour essayer de pogner tous les trucs dans chaque tableau, tous les petits engrenages, tu sais. Ça, c'est bien le fun aussi, quand ça me fait penser beaucoup à Mario Galaxy, de tout ramasser dans les tableaux. Ouais. Donc, c'était bien agréable. D'ailleurs, je vais le continuer dans le temps des fêtes, ce jeu-là. Ouais. J'aimerais beaucoup le finir, là, vu qu'on va être en break. Il y a une couple de jeux que je vais pousser, puis ça va en être un, là. Je veux vraiment voir le bout. Ah, c'est sûr. Yes. Fait que moi, mon prochain, ça va être... puis j'irai pas avec ça là tout de suite. Je vais faire patienter. Je vais aller avec le bas de ma liste. Dead Island, Colin. Ça me surprend ça parce que moi, ce jeu-là, je vais te le dire bien franchement, là, je trouve que ça a l'air bien moyen. C'est à ça, part le fait que ça se passe dans une station balnéaire, là, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jeu-là. Puis je comprends pas le hype autour. J'ai pas joué. C'est mais ça. Mais tu sais, un coup de batte de baseball là, dans un zombie, là, que ça soit un jeu ou un autre, là, tout le temps pareil. Ça, non, c'est ça l'affaire. Puis c'est ça que Dead Island ont réussi. Moi, dans le fond, là, c'est Dead Island, là, côté technique. Mm-hmm. Ça marche pas. Non, c'est plein de bugs en plus. C'est bourré de bugs. Puis aussi, côté visuel aussi, il y a des problèmes. Ce jeu-là, il y a plein de problèmes, mais le facteur fun, là, il est à 12. Là. T'sais, c'est vraiment cool comme jeu parce que, pour une fois, t'as du fun à tuer les zombies. Puis il y a vraiment un feeling d'impuissance par rapport aux zombies parce que justement tu ramasses des armes qui sont boboches, qui fonctionnent pas tout le temps super bien, puis tu t'approches des zombies, puis là t'as plus rien, puis là tu te bats à main nue, puis ça fonctionne pas, puis t'en trouves un super gros, puis il te lâche, tu sais. Okay. Puis il y a tellement de choses à faire sur l'île paradisiaque que t'as jamais fini, là. Okay. C'est sûr qu'il y a des choses ridicules, comme j'avais trouvé ça vraiment drôle, les jumeaux techno ont fait une critique de Dead Island qui est probablement ma critique préférée qu'il y a eu jusqu'à la date de Dead Island. Parce qu'ils mettent le point aussi sur quelque chose, tu sais, de faire des missions secondaires qui n'ont pas de Christy de bon sens dans la vraie vie. Tu sais, il y a un gars, genre, comme ils disent, tu sais, un gars, hey, moi, je veux de la bière, tu sais. Ah ouais, il te demande de faire ça. Il y a une invasion de zombies, mais il y a un qui va t'arracher la tête. Toi, tu vas trouver de la bière. Ouais. Fait que tu vas aller à l'autre bout de l'île. Mais tu vois qu'ils ne se sont pas pris au sérieux en faisant ce jeu-là. Là. Ils ont vraiment, ils se sont dit, on va faire ce qui est le fun, puis le reste, on s'en sort. Ben, soit ça, mais... ou ils n'ont pas voulu forcer assez pour être créatifs, pour essayer de trouver ce qui aurait fité, tu sais, comme non, mission. Non, parce que je pense qu'après un certain point aussi, tu peux pas tout le temps rester sombre et triste sans ajouter un brin de folie là-dedans. Puis ce que je trouvais le fun aussi, c'est que les jeux de zombies, c'est tout le temps la même affaire. Il fait tout le temps noir, c'est tout le temps pénible, c'est tout le temps pluvieux, tout ça. Là-dedans, c'est clair, là. T'es dans la lumière du jour, il y a des beaux nuages, tout le kit. Puis eux autres sont là, puis ils sont tous massacrés, puis ils se garochent sur toi, puis... tous les endroits qui se retrouvent là, sur cette île-là sont écœurants. Tu es tout le temps en train de découvrir quelque chose. À un moment donné, tu arrives dans une place, puis différents endroits où il y a du monde différent aussi. Comme à un certain point, tu arrives à quelque part, puis là, tu te fais tirer. Tu fais comme, hey, what the fuck, les zombies, ça n'a pas de gun. Mais là, c'est un gang, un gang de rue qui sont retirés dans une espèce de building. Puis qu'ils l'ont pris. Ils ont pris le centre de police. OK. Puis eux autres, ils ont ramassé des guns, puis tout ça. Puis c'est comme, non, tu rentreras pas, mon sacrement, tu viendras pas chercher nos guns, tu sais. OK. Puis ils tirent. Fait que là, t'as comme un côté aussi first-person shooter. Puis c'est aussi un côté first-person brawler. Puis c'est. L'ambiance sonore est écœurante. OK. Puis c'est juste vraiment le fun comme jeu, mais Moi, avec, là, si j'avais fait la critique de Dead Island, là, j'aurais probablement donné un 7 ou un 7.5. C'est le genre de jeu que quand tu le critiques, puis tu le critiques pour tout ce qui est techniquement, ça fait pas le. Tu sais, ça tient pas. Là. Ben, si c'est le fun, c'est ça le principal. Là, mais c'est ça, c'est super le fun. Moi, c'est devenu mon meilleur jeu de zombie. Là. Ah ouais? Jusqu'à temps que bon, Suda51 travaille sur un jeu de zombie qui s'appelle Lollipop Chainsaw. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu ça. Ça, regarde, moi, dès que ça va sortir, je suis un fan fini de Suda51. Fait que je suis sûr que ça va clencher Dead Island facilement. Ah, il va y avoir un Dead Island 2 d'ici là. C'est là, ça, tu sais. Je sais pas, ça va se passer dans une soirée disco, man. Ça va être super spécial. C'est ça. Mais c'est le fun, Dead Island. Puis les dialogues sont super le fun. Puis l'ambiance est bonne. C'est vraiment le bon ton, je trouve, pour un jeu de zombies. Puis c'est comme un. Ça me fait penser à un mélange de Lost. Ouais. Puis de Evil Dead. Tu sais, c'est vraiment. C'est plein d'affaires en même temps. Puis moi, j'ai vraiment trippé. Puis j'ai eu du fun longtemps, là. OK. J'ai vraiment joué longtemps à ce jeu-là, il m'a toffé très longtemps. Les jeux qui me toffent longtemps, c'est très rare. Là. Ouais. Je me tanne d'habitude, puis ça, je me suis pas tanné. C'est comme, ah, ben non, c'est tout le temps aussi le fun de varger dessus, puis me ramasser des armes, de les mettre à niveau, puis de les électrocuter ou de les faire brûler en plus. Ouais, ouais. Tu sais, t'es martyrise en plus, fait que c'est vraiment agréable. Tu commences à me faire peur, moi, je ouais, c'est ça. Fait que bref, Dead Island, très bon jeu. Cool. Moi, je vais enchaîner avec Shantae, Risky's Revenge, en DSiWare. Oui. Qui est en fait la suite du jeu que vous ne possédez pas, Shantae, au Game Boy Advance. Et si vous le possédez, gardez-le, il vaut plusieurs centaines de dollars, ouais. S'il est clean. Donc, moi, je connaissais pas cette charmante jeune fille. Je l'ai découverte. Découvert. Moi, c'était au Game Boy. J'avais un Game Boy Color, puis j'avais eu Shantae. Ah, tu l'avais? Oui, je l'avais, mais tu sais. Tu l'as vendu pour. Une autre affaire piastres, que hein. J'ai vendue. T'es malade. Colin. T'es fou. Fait que c'est ça, j'ai découvert cette fille-là juste sur un site, No Mario's Allowed, ouais. Qui est un gars qui. J'en pose des fois des affaires cool, sur le blog. Cool, c'est vraiment le fun. C'est juste des illustrations de personnages moins connus un peu, ouais. Tu sais, genre pas de Mega Man, pas de Mario, pas de Link. Mais le bonhomme de Gargoyle's Quest était ouais, là aussi. Il était là-dedans, Firebrand qui s'appelle. Ouais. Puis elle était là-dedans aussi. Puis c'est là que ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Fait que j'ai fait des recherches puis tout. Puis je trouvais que ça avait l'air nice, ouais. Le truc de Game Boy là. Puis j'ai découvert ça en même temps que j'ai acheté ma 3DS. Tu sais, c'était dans les top sellers ou bien dans. Non, dans le Staff Pick. Puis j'ai acheté quoi? Ben du stock de Staff Pick, moi, puis j'ai jamais été déçu. Ils ont vraiment bien. Piqué. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai acheté Shantae à peu près quoi, 10$. Il était 10$. Mm. Un autre jeu de Way Forward encore. Ouais. Puis j'ai juste eu rien du fun avec ouais. Ça. Là. Comme ça me fait. C'est un platformer qui me fait penser un peu à Metroidvania, tu sais. Ouais. Tu fais du backtracking pour aller chercher des choses. Ta petite danse du ventre qui fait que tu peux te transformer en singe, ouais. En éléphant ou en sirène. Puis après ça, t'as des power-ups de ces trois formes-là, tu sais. Ouais. Tes cheveux, tu frappes avec tes cheveux. Tu frappes avec tes cheveux, ça, c'était spécial. Ça, c'est quand même cool. Puis t'achètes, tu sais, tu ramasses des confitures pour pouvoir acheter des upgrades de cheveux. Ouais. Il y a des upgrades de magie. Tout, tu fais juste booster tes affaires, ouais. Dans le fond, là, puis devenir de plus en plus forte. Puis tout l'univers est juste... trop charmant, mm. Là, le chef du village. T'as des amis zombies là-dedans, là, une fille, là, puis deux espèces de gars, là, que, des gars zombies, t'sais, un grand puis un petit gros. T'sais, ouais. Eux autres, ils veulent juste boire du café. Là, t'sais. C'est comme un peu tordu, ah ouais. Tout ça, mais ça marche ensemble. T'sais. C'est ça qui est drôle. C'est super beau. Puis tout cet univers des mille et une nuits, la musique, ouais. T'sais, le village, il y a d'autres danseuses là, du mm. Ventre là, qui se dandinent. T'sais, c'est super réussi, la musique. Là, ouais. C'est génial. Puis, toutes les filles ont des gros seins là-dedans. Des gros seins qui rebondissent toujours. Ouais. C'est quand même assez fascinant. Des gros sprites de 4 pixels. Absolument. Beaucoup de pixels au niveau du poitrail. Ça, c'était quand même réussi. Mais moi, ce qui me surprend aussi de ce jeu-là, quand j'avais téléchargé, c'est que... Tu l'as essayé, ouais? C'est « Oh, ouais, j'ai joué okay. Beaucoup. » Puis, j'étais surpris par la grandeur de ce jeu-là. Puis, je me suis dit, ben, Shantae s'en vient sur DSiWare. Ça doit être un petit jeu, là. C'est ouais. Une petite affaire, là. Ça sera pas trop long. Mais c'est un jeu qui est super long, qui est complet. La musique est là, il y a une grosse histoire. Mm. Ben moi, c'est gros. Je l'ai fini avant hier, ce jeu-là. Ah ouais, un autre jeu que je me suis dit. Je l'ai pas fini encore. Je vais finir ça dans le temps des fêtes. Okay. Puis j'ai commencé par ça, sur le site, tranquillement. Puis hop, je t'ai rendu plus loin, je pensais. Okay. En fait, j'étais barré une place. Ouais, ouais. Je savais plus où aller. Pas en tout, j'étais dans un château, puis il fallait que je trouve un. Je savais même pas qu'est-ce qu'il fallait que je trouve. Il fallait que j'ouvre une porte. Mais ça, tu veux, moi, ça a été un de mes problèmes. Ça, c'est un off un peu pour. Parce que des fois, à toutes les fois que je reprenais ma partie, j'étais perdu. J'étais complètement perdu. J'étais comme, OK, là, je suis au milieu de la forêt. Tu te souviens pourquoi tu n'étais plus en train de progresser là, dans le fond. C'est plus ce que tu faisais. Puis l'univers est tellement gros que tu peux faire du backtracking sans arrêt. Ouais. Puis il n'y a personne qui va t'arrêter en faisant ton backtracking en disant, non. Hey, you! Ben, tu peux aller dans le village demander à ton ami de fille, mais elle va te donner le même indice toujours. Là, okay. Genre, va dans le désert, en haut dans le désert, il y a quelque chose. Mais tu sais, tu y vas, et là, tu trouves rien. Même, c'est un peu flou. C'est ça, ça là, tu peux pas revenir, genre, puis elle peut pas te dire autre chose. OK, tu catches pas là, dans le désert, à gauche, tu sais, ça aurait été le fun. Mais peut-être ça aurait été trop facile aussi, là, je sais pas. Parce que j'ai fini par me retrouver, mais dans le fond, c'est juste. Il y a une place que je suis pas allé dans le château, puis c'est de ma faute, là, en fait. Là, la solution non, était c'est juste le hasard qui fait ben, que c'est un petit peu le hasard chemin, cette là. Fois-là. Puis suite à ça, badang, tout a débloqué. J'ai comme fini le jeu en 15 minutes. Là, il m'en restait vraiment pas gros. Wow. D'ailleurs, en rentrant dans le château de la fin, il y a un bout que c'est comme un shoot-em-up. T'es en sirène, puis tu shootes des balles de feu en sirène, puis c'est sur rail, ça l'avance, là, comme Gradius, là, puis tu shootes des pirates, puis ça va super vite. Fait que c'était comme une autre façon, vraiment un autre gameplay, une belle addition à travers le jeu, tu sais. C'est une séquence, ça dure pas éternellement, c'est la seule place qu'il y en a, puis j'ai bien aimé ça. Ah, fait que tu disais que c'était long, au final, ils disent ton temps de jeu, puis c'est 6h30 à peu près que j'ai mais joué. Mais quand même, 6h30 pour un download. Un download, c'est bon. Puis ils disent aussi, genre, sur 32 items spéciaux, j'en avais ramassé 23. OK. Donc, tu vois, il manque des affaires. Là. Je sais qu'il manque des pots de confiture, là, parce que la confiture là-dedans, ça te permet d'acheter des trucs spéciaux. Oui. Donc, il manquait des affaires de même. Puis, je sais pas si c'est comme dans Metroid, tu sais, parce que quand tu finis le jeu, elle est assise, là, puis elle fait la belle, tu sais, puis elle te regarde, c'est bien le fun. Je sais pas si plus vite tu le finis, comme. Une autre pause, tu sais, ou plus sexy, tu sais. Faudrait. Je veux pas vérifier, tu sais, sur Internet. Je veux juste comme, je vais leur faire, je vais essayer de trouver ce qui manque, là. Ouais. Puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Mais écoute, pour le prix, puis pour ce que c'est, là, j'ai eu bien du fun. Puis c'est un super beau DSiWare. Si vous avez une 3DS, allez chercher ça immédiatement. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je vais y aller avec mon prochain qui est Stacking. Stacking. C'est quoi ça? Stacking, j'avais tu peux aller chercher le trailer sur YouTube. Moi, Stacking, j'avais c'est critiqué sur quelle plateforme, ça à Monsieur Net. C'est sur XBLA et PSN. C'est un jeu téléchargeable. Puis, c'est des poupées russes. Okay. Puis toutes ces poupées russes-là peuvent s'emboîter les unes dans les autres, puis tu peux prendre l'apparence d'autres poupées. Ok. Fait j'ai vu pas, ça. Mettons, là, mettons que t'es un. T'sais, au départ, tu commences, t'es un petit gars, puis toute ta famille se fait prendre, se fait kidnapper par une espèce de baron qui est fait travailler. Ça se passe dans les années 20, puis c'est très. Visuellement, là, c'est vraiment écœurant. Le jeu est totalement unique. Ben, c'est Double Fine qui ont fait ça. C'est l'équipe de Tim Schafer, l'espèce de génie derrière Psychonauts. Okay. Derrière le voyant Colin, Brutal Legend. Bref, dans Stacking, t'es un espèce de petit bonhomme. Puis, disons que t'arrives devant une porte, puis là, tu sais pas comment passer parce qu'il y a une espèce de gendarme qui dit non, tu peux pas passer. Ben là, tu t'en vas t'emboîter dans une espèce de bonne femme séductrice qui va aller en avant du bonhomme. Là, tu t'en vas en avant du bonhomme, puis là, tu y pars, puis là, oups, il est charmé, fait que là, il te suit, il s'en va de la porte. Pendant ça, toi, tu décides de sortir de la petite bonne femme pour aller rentrer dans la porte. Fait que c'est plein de petits puzzles. Tu te promènes d'un bonhomme à l'autre. Là, tu te promènes d'un bonhomme à l'autre. Puis des fois, il y a des défis que tu peux seulement réussir si tu si t'emboîtes tous les bonhommes de la même famille. Donc, admettons la famille des mécaniciens, ben là, tu te mets dans toute la famille des mécaniciens. C'est 5 niveaux. puis, c'est ça, ce qui faisait que c'était le fun, c'est que les puzzles sont intelligents. Il y a énormément de types de poupées russes là-dedans. Il y en a il y en a vraiment toutes les sortes là. Il y en a qui sont vraiment drôles. T'sais, il y en a que leur pouvoir c'est faire un pet. Ouais, j'aime ça. Il y en a un autre que son pouvoir c'est de frapper sur des chaînes. Il y en a un autre qui fait des tartes. Fait que c'est un puzzle avec ça, dans le fond. Faut c'est un puzzle avec ça. Faut que tu pètes en quelque part pour que les autres s'en aillent. Ben, il y en avait un, c'était ça. C'était parce qu'il y avait du feu à quelque part. Okay. Puis il fallait que tu fasses partir un bonhomme. Fait que là, tu pétais dans le feu, puis ça faisait une grosse boule de feu, puis tout le monde avait peur, puis ça crée le camp, tu sais. Ça, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment bien pensé, puis c'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Si on s'investit, là, c'est un jeu qui va prendre énormément de temps à terminer. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu qui est le fun aussi à explorer. Ouais. Tu sais, des fois, là, il m'arrivait de pas jouer vraiment, de pas faire de puzzle, puis juste me promener dans cet univers-là. Puis c'est tellement beau, c'est tellement riche, c'est tellement bien fait que moi, ça m'a fait triper là, visuellement. C'est un de mes plus beaux jeux de l'année, puis il est même pas sur disque. Là, ouais, c'est un jeu en téléchargement. On s'entend que c'est une méchante bonne idée. Là. C'est une vraiment super bonne idée. Super original. Là. C'est très original. Puis en plus de ça, il est pas cher. Il y a eu une extension aussi. C'était Legend of the Hobo King, je pense. Okay. Puis c'est ça, ça continue l'histoire un petit peu dans les égouts. Mais moi, j'ai adoré ce jeu-là. Puis je comprendrais même pas pourquoi quelqu'un voudrait pas jouer à ça. Je pense que ça peut plaire à n'importe qui. C'est vraiment c'est une vraie bombe là. T'sais, je pense qu'il d'après moi il va gagner des prix à quelque part là, ce jeu là parce que ça a vraiment marqué beaucoup de monde quand même cette année. Moi quand je l'ai eu ben j'ai eu ma copie directement Double Fine, mais sinon pour l'acheter maintenant, je pense qu'il devrait être 10$, entre 5 et 10$. Mm-hmm. Parce que ça fait quand même un petit bout de temps. Ça, c'est sorti au début de l'année. Sorti peut-être au mois de mars. OK. Fait que c'est ça. Ça fait quand même un petit bout de temps. Vous pouvez même aller sur le site de Music Plus pour aller voir ma critique. Ouais. Puis vraiment, vous allez voir que je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. Là, moi, les jeux qui sont originaux, qui demandent à te servir de ta tête, puis qui sortent du moule de tous nos jeux qui existent maintenant, de first-person shooter, de jeux de guerre, de jeux de zombies, justement. Ah ouais, c'est ça. J'aime ça, ça fait du bien. C'est le fun de voir qu'il y a des créateurs qui vont encore à l'extérieur, t'sais, out of the box, t'sais, vraiment, qui absolument vont penser à autre chose, à faire évoluer notre industrie. Fait que c'est ça, bref, Stacking, acheter ça, c'est vraiment trippant. Alright, ben moi je vais enchaîner avec ce fameux shoot'em up qui m'est tellement à cœur. Ah, oh, moi avec, man, je suis tellement jaloux que t'aies la copie de ça. Là. Ouais, c'est Einhander au PlayStation 1, dont c'est ça, j'avais fait la critique, puis j'en parle cette année parce que je l'ai racheté cette année justement. J'avais joué il y a plusieurs années chez un de mes chums, puis pas de nouvelles de ça depuis. Alors, j'ai sorti mon 50$ plus shipping, puis je l'ai commandé sur eBay à défaut de... Je l'ai cherché, tu sais, partout, je l'ai pas trouvé nulle part, puis je l'ai vu chez EB Games, par exemple, quand je n'avais parlé. Game Buzz. Puis il était comme... C'est dans le même prix qu'eBay. Ça fait que même peut-être un peu plus. Alors, je suis quand même très satisfait de mon achat. Puis, écoute... T'en avais fait la critique. C'est ça, j'en avais fait la critique. Puis, c'est un shoot'em up de Square. Ouais. Square qu'on... C'était rare que Square sortait du RPG. C'était juste des RPG dans ce temps-là. Il y a une couple de jeux, c'est dans le temps du PlayStation 1, tu sais, Bushido Blade ou aussi un jeu de fighting. Mais celui-là, c'était totalement réussi, Einhander, puis ça a pogné au max au Japon. Ouais. Puis étrangement, pas tant en Amérique, on dirait. Là. C'est vrai, hein? Peu de monde connaît ce jeu-là. Moi, c'est la pochette, je trouvais ça tellement slick. Je me disais, c'est Square. Ouais. Dans ce temps-là, tu sais, on tripait tout sur Final Fantasy VII, qu'on aime ou non les RPG. Absolument. Puis la pochette est toute blanche avec juste le vaisseau cher, dessus, là, puis c'était vraiment superbe. Puis, mais la version japonaise, tu sais, c'est pas ça, là, c'est comme une genre de main là, en wireframe. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'écran de départ là, quand tu commences le jeu. Donc, c'est ça. Puis, je viens-tu juste de dire donc à peu près 5 fois? Donc. Ben, moi, je dis tout le temps bref, puis je fais tout le temps ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, OK. Alors, ça va dire. Einhander, ce qui le rend spécial, c'est le système d'armement. C'est la première fois que je voyais ça, puis la seule fois que j'ai vu ça. Oui. Tu pognes tes armes, tu les voles à tes ennemis. Tu fais péter tes ennemis, l'arme qu'ils ont vole dans les airs, puis tu l'attrapes avec ton vaisseau, soit sur le dessus ou en dessous. Ouais, c'est ça, tu peux switcher ton gun. Tu peux les switcher, les guns, shooter par en avant ou par en haut ou par en bas. Ouais. Puis tu as trois sortes de vaisseaux. Il y en a qui équipent trois guns, il y en a qui en équipent deux, il y en a un qui en équipe juste un. Mm-hmm. Celui qui en équipe un, il y a une double pea shooter de base, là, ouais. Fait que ça balance comme ça. Puis des fois, équiper trois guns, celui qui équipe trois guns, t'as pas de pea shooter partout. Moi, j'aime moins ça. Je trouve ça un petit peu compliqué de gérer trois guns là, dans le feu de l'action. Là, t'sais, ben, j'avoue. Faut que tu sois vite dans ta tête là, pour te souvenir que t'as le Vulcan en haut, puis le shotgun en bas, puis un sabre laser en backup. Là, je trouvais ça très difficile. J'ai le même problème à Contra. Moi, les deux guns, là, j'ai tout le temps la misère à gérer ça. Je suis comme. Tu sais, moi, à Contra, je prends tout le temps genre le poche pour avancer parce que je me dis si je meurs, je vais garder mon bon, puis le bon, je m'en sers jamais. T'sais, parce que j'ai trop la chienne de le perdre. Ben, c'est un peu ça là-dedans. Ben non, en fait, là-dedans, c'est pas ça. Quand tu meurs, tu meurs. Ben, c'est mais, ça. Mais non, puis pour ça, c'est vraiment super. Ben, ça a de la classe au max, là, le soundtrack. Ouais. Chaque tableau, c'est continu, tu sais, c'est pas un stage après l'autre. Ben, c'est un stage après l'autre, tu sais, tu sens que tu finis un tableau, mais pas tant que ça, tu sais, ça s'enchaîne, là, t'as pas un écran noir. Ça continue toujours. C'est vrai. Puis ton sprite est gros. Tu sais, c'est pas un jeu où est-ce que t'es petit, puis il y a plein de petits, puis plein de balles, mm-hmm. puis des balles, puis des balles, puis des balles. Tu sais, c'est les personnages sont assez gros, puis t'étouffes pas dans l'écran à cause qu'il y a des balles partout, mais tu sais, c'est bien balancé, là, puis tu vois bien les ennemis, comment est-ce qu'ils sont faits. Ouais. Ça, c'est bien le fun aussi, parce que quand tu tires du shotgun, du canon par en dessous, tu vois que ça crinque, comme un 12, tu sais, le gun crinque, puis il y a une douille qui tombe, tu sais, quand tu tires, puis ça fait... Et aussi, tu sais, quand les ennemis explosaient, ils descendaient lentement, ils éclatent, après ça, ils crashent, la destruction, absolument, puis toi aussi, quand tu fais... Ah, maison, mon gars, là! Puis les armes là-dedans sont tellement satisfaisantes, comme je disais, il y avait un sabre laser qui pouvait prendre une dimension super longue, en le switchant en haut et en bas, il balaye l'écran au complet. C'était cœur. Hein? Puis le gun qui est le canon, dans le fond, ça tire des gros coups de dos, on dirait. Comme quand... charge. Ça, c'est le Riot. Ça c'est une décharge électrique. Là. Puis le bruit que ça fait quand tu le laissais aller, là, ça, c'est comme le gun était au bout. Tu vois, il y a des flamèches électriques là, qui sortent. Là, quand tu lâches, ça fait... Ça craque, mon gars, puis ça tue, là, c'est l'enfer. C'est tellement valorisant, ce jeu-là, avec la musique, puis tout. T'étais... Oui, parce que c'est le genre de musique techno là, qui marche. Dedans, là. Puis à un moment donné, t'es dans une caverne, tu sais, la musique est un peu plus lugubre, ça marche au bout. Et au début, avec la musique, avec l'espèce de chorale en l'air, genre... Ben oui, c'est ça, parce que toi, t'es un... Je réexpliquerai pas l'histoire, là, vous irez l'écouter l'épisode, mais t'es un pas fin, là, t'es dans l'armée de la lune, finalement, tu descends sur la Terre pour tuer tout le monde, tu sais. Fait que, tu sais, les Japonais sont bons là-dedans, ils font un genre... Ça me fait penser à Neo Genesis Evangelion, tu sais, c'est comme un peu un messie, mais un démon, tu sais, qui descend. C'est pour ça qu'ils mettent de la musique de chorale, ça fait une ambiance, là, mais... C'est la totale, là, vraiment. C'est dans les meilleurs shooters, les plus originaux aussi à cause de ce système d'armement-là. Puis ça se joue très bien encore aujourd'hui. C'est pas lettre, tu sais, comme... Tout est... Le graphisme est beau, la musique est bonne. C'est pas comme... C'est pas carré, tu sais, ou mal fait d'un vieux jeu de PlayStation, tu sais, c'est... Ça marche au max. C'est dans les meilleurs jeux de PlayStation. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir ça sur le network. Ils ont fait un Japon, remake, tu sais. Ben oui, un remake. Mais c'est vrai qu'il est sorti au Japon d'un PS4 classique. Ben oui, il est au Japon, mais ici, il l'a pas, malheureusement. Fait que c'est pour te dire à quel point ça a passé en dessous de tous les radars, apparemment. Mais c'est vraiment un must. Là. Si vous voyez ça, puis que vous avez un Xbox qui joue les vieux jeux, qui joue les jeux de. Ouais, Xbox. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu me regardes, tu fais. Dans le fond, tu m'écoutes. PlayStation 3 de première génération qui est rétro-compatible, parce que c'est juste la première génération qui est rétro-compatible, je pense. Ben, pognez-vous ça, ou la sinon... La fat! La grosse, Chris. Ou un PlayStation 2, comme moi. Ouais. Pognez-vous ça, c'est un must. C'est vraiment un must. Ouais, c'est solide. Bon, moi, pour continuer, je vais vous parler de... Je vais vous parler d'un jeu dont j'ai parlé au début. Je l'ai parlé cet été à Rétro Nouveau. J'avais dit que je ferais un léger survol, puis finalement, j'en ai parlé pendant à peu près 10 minutes. Resistance 3. Ouais. Un jeu qui m'a vraiment, vraiment surpris. Ça t'avait touché, je pense. Ça m'avait touché, mon gars. J'avais presque pleuré. Parce que moi, Resistance, je m'en ai tout le temps sacré. Là. C'est pareil comme Killzone. Killzone, ça me touche pas. Tu mets du monde dans les masques, puis un gars avec un mohawk ou... Ah, oh, fuck that. T'sais, j'embarque pas dans ces personnages de douchebag là, tu sais, je suis pas je trippe pas, tu sais. Et Resistance, pour une fois, c'est, tu sais, ça a tout le temps été la résistance, mais t'as jamais senti que tu faisais partie d'une résistance tant que ça. C'était pas, il y avait pas assez d'immersion. Le jeu était intéressant, puis c'était toujours aussi le fun de tuer tes amis, mais on n'était pas encore rendu là. Puis dans le troisième, t'es totalement dedans, tu commences là, puis t'es en dessous de la terre, puis tu vois que le monde a mal, puis que la grosse misère est là, ça va pas bien, là. Puis quand tu tues tes amis, ce qui est cool, c'est que t'as vraiment le système d'animation qu'ils ont mis là-dedans pour les ennemis est écœurant, les environnements sont écœurants, les armes sont débiles, l'espèce d'arme que t'as là-dedans où tu peux... tu peux sélectionner un ennemi, lancer une espèce de repère dessus, puis après ça, tous les missiles que tu vas lancer vont s'en aller sur celui-là exclusivement. C'est malade, là. Il y a vraiment plein de bonnes idées dans ce jeu-là qui ont fait évoluer la licence. Puis c'est ça qui est le fun, parce que souvent, ce qui arrive avec une licence comme ça, qui en est à son deuxième, troisième, quatrième jeu, c'est plus de la même affaire. OK. Resistance 3, pour moi, là, c'est une réimagination complète. Affaire. C'est une nouvelle affaire, là. Comme, oublie le 1, oublie le 2. Le 3, c'est vraiment là, comme la version définitive, puis même ça réinvente ce qui a été fait dans le premier puis dans le deuxième. OK. Puis c'est un jeu qui passe super vite. L'histoire est vraiment excellente. Moi, c'est rare que j'embarque autant dans une histoire, puis celle-là, là, le personnage, je l'ai dit pendant l'épisode, mais la shot qui se retrouve tout seul dans le fret avec un micro qui sait pas s'il parle à quelqu'un, tout est détruit autour de lui. Là. Moi, j'étais chez nous avec ma bière, puis j'étais comme... Câlisse, ça va donc bien mal. J'étais dedans, là. J'étais vraiment là. C'était pathétique. Mais tu sais, je regardais ma TV, j'étais... Maudit que c'est beau, les jeux vidéo. Maudit qu'on est rendu, là, c'est de l'art, là. C'est merveilleux, puis... Ça marche pour Resistance 3. C'est vraiment un jeu qui est réussi. Puis malheureusement, il y a beaucoup de monde qui vont passer par-dessus ce jeu-là en pensant que c'est la même chose que les deux autres. Mais détrompez-vous, là. C'est vraiment un des meilleurs first-person shooters de l'année. Mais ce jeu-là, y a-t-il été populaire cette année? Oui, il a été populaire. Ça a super bien marché. Le problème qu'il y a, Resistance, c'est que sur PlayStation... T'as comme deux mondes. Il y a le monde qui joue à Killzone puis le monde qui joue à Resistance. Ah ouais, c'est le même, ça marche. Ouais, okay. C'est bizarre, mais la plupart du temps, ça s'adresse à deux publics différents. Moi, j'ai plus accroché à Resistance, mais en même temps, Killzone 3 est un excellent jeu. Il aurait pu faire partie de mon top 10 cette année. Okay. Il n'en a pas fait partie parce que pour moi, Killzone 3, c'est de la défonce, là, je pourrais dire. T'sais, tu rentres dans le tas, tu tires, t'en as plein la vue, puis c'est that's it, mais y a rien que j'ai trouvé d'original dans Killzone 3. Là. Ouais, j'ai trippé du début à la fin, mais il n'y avait aucune originalité. Il n'y a rien qui a été fait pour amener cette série-là à un autre niveau, puis faire comme « Ah, OK, le 2 est différent du 3, j'ai l'impression que c'est la même affaire. » Les Algas font la même chose, genre « tout le temps dans l'espèce de même voix gutturale qu'on comprend rien. T'sais. Fait que, je sais pas, je trouve ça gossant, tandis que dans Resistance... Ils ont réinventé le jeu, tu sais. Puis ça a été encensé par la critique. Les gens l'ont vraiment aimé. Je sais pas c'est quoi la moyenne sur Metacritic, mais c'est vraiment un jeu qui fonctionne. En plus de ça, Sony, quel move de génie, ont fait appel à un artiste pour faire tout le look promotionnel de Resistance. Je suis allé sur le site, on est dessus d'ailleurs présentement, de cet artiste-là. C'est Holy Moss. Holy Moss. Puis c'est génial, son artwork qu'il a fait, c'est un génie. Puis là-dedans, tu as une section vidéo game classique, si je vous conseille d'aller voir ça, c'est des bons flashs. Ah ouais, c'était écœurant. Pour des jeux, mais tu sais, des idées de génie. Ben, il a comme fait des c'est comme des vieux livres de science, ouais, une espèce de livre éducationnel de science, puis il a vraiment réussi. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu recevais le jeu, tu avais la pochette obligatoire de Sony PlayStation avec toutes les indications. Ça se joue avec la Move, c'est M et plus, gna gna gna. Puis tu pouvais tourner la jaquette, puis là, t'as juste le looking de Holy Moss avec des trucs BD en arrière, okay. Tout ça. Fait que t'as vraiment une pochette, comme si t'as une vieille pochette. C'est malade, là. C'est vraiment, il y a beaucoup de... Il y a un souci du détail qui est arrivé avec ce jeu-là. Il y a 83 sur Metacritic, ce qui est très bon parce qu'il y a eu beaucoup de critiques quand même. C'est ça, je vois 77 positives, 11 moyennes, 0 négatives. 100 ici dans Gamer Note, 10 avatar hater. C'est ça, puis les users ils ont trippé aussi. Le user score est de 7.6, mais la plupart sont plutôt positifs que négatifs. Ouais. Bon, all right. Fait que on a eu une petite pause chip, ouais. Aile de poulet piquante, Ruffles que Bruno a amené au bureau. On en prend nous aussi. C'est bon, aile de poulet piquante. Je vais enchaîner avec un jeu que j'ai acheté cette année et dont je n'ai pas fait la critique. Ouais. Puis on en fera peut-être une critique rétro nouveau à un moment donné. Non, c'est pas le prochain sur ma liste. c'est ça que j'allais dire, j'étais comme hein? Non, il s'agit d'un Bionic Commando, mais version Game Boy. Game Boy original. Parce qu'il y a eu une version Game Boy Color aussi que je savais même pas. En le cherchant, celui-là, sur eBay, j'ai vu l'autre version. Il y en avait une multitude, ça a l'air pourri raide. Je parle bien de la version classique, là, Game Boy. Ouais. Là. Puis ça, moi j'étais en mission cette année, et je suis toujours en mission d'ailleurs, de retracer tous les jeux de Game Boy que j'avais quand j'étais jeune, puis que j'ai vendu comme un épais de cave pour des peanuts, puis que je m'en mords les doigts. Hey, Snow Brothers, il me manque je pense juste Snow Brothers, puis de Jetsons, mais ça je m'en fous un peu, ça le cachera pas. Ah, puis Megaman, Dr. Willy's Revenge, mais de Snow Brothers, là, boxed, là, avec le livret d'instruction, clean. Au Game Boy, ça vaut une fortune maintenant, tu sais. Okay. Moi, je me suis débarrassé de ça. C'est un des jeux que je regrette le plus, là. En tout cas. Puis ça, c'en était un autre Bionic Commando. Ah, ouais. Puis il m'a coûté pas mal cher, là. Genre, quasiment 50$, lui, avec. Oh, man! Mais en valait la peine? Ben, il en valait la peine parce que c'est vraiment. C'est quasiment meilleur que l'original, tu sais. C'est comme l'original, vraiment, là, très, très comme l'original. Okay. Mais ton personnage, le sprite, est un petit peu plus. Son équipement est plus beau, tu sais, les cheveux. C'est quoi, y a-tu plus d'animation? Ben, les tableaux sont différents. Okay. La musique est différente. Okay. Mais il y a beaucoup de choses qui reviennent, des boss qui reviennent, mais sous une autre forme. OK. Puis, mais c'est pas une copie, là. C'est pas genre la même affaire au Game Boy. Oui. C'est le même feeling. Ça se joue très, très bien, de la même façon. Tes armes sont les mêmes, sauf que le sprite de la balle du Rocket Launcher, Launcher est pas pareil que celui du NES, tu sais. Mais t'es pas perdu, donc. Puis. Mais la musique est super bonne. Ouais. Puis c'est encore, tu sais, toi, t'es. Ah, mais l'histoire est différente un petit peu. T'as un petit peu plus de... C'est pas. Il n'y a pas d'Hitler là-dedans, là, ni rien que tout ça. T'sais, c'est un autre projet. Là. Mais tu t'appelles Rad Spencer. Ben, c'est ça. Ton nom, il me semble, dans Bionic Commando. Je m'en rappelle pas. C'est Rad Spencer. OK. Super Joe est là encore. Oui. Il y a une fille aussi. Puis, bon, un traître à la fin. Mais c'est tout des Bionic Commando. Là, dans le fond, c'est le team Bionic Commando. Puis. Mais l'histoire est différente. Puis, ben, je m'en souviens. Ça fait longtemps que j'ai joué, par exemple. Ça fait plusieurs mois, je l'avais fini d'ailleurs. Puis c'est pas simple, parce qu'il y a quand même un albatros à la fin. Okay. Mais c'est pas juste l'albatros dans le tableau que tu butes. L'albatros lui-même a plusieurs niveaux. T'sais, tu le fais sur le côté, après ça tu rentres dedans, tu le fais par en dedans. Okay. Puis là, il y a des trappes, des pics là, partout. Là, c'est super, c'est vraiment dur ce bout-là. Là. Donc c'était un bon challenge. C'est pas très difficile comme jeu. Ben, t'étais-tu bon à Bionic Commando au NES, là, tu as déjà fini? Ah, j'étais tête à Bionic Commando au NES. Ça a été mon jeu que je me suis forcé. Là. Ouais. Vraiment, ben, là. Tu serais tête à celui-là, là, vraiment, moi, avec... Tu sais, ça coule bien, là, tu meurs une couple de fois. C'est le grappin, à vrai dire. Dès que tu maîtrises le grappin... Dès que tu l'as dans le sang, là, ce grappin-là... T'es plus capable d'arrêter, c'est l'affaire, parce que c'est addictif au monde, le fun de se balancer avec ça. C'est ça qui fait la magie de Bionic Commando, en fait. Puis, ça a été bien fait dans Rearm aussi, que j'ai downloadé le démo, je veux m'y mettre. mettre un petit peu. Ah, puis même, légère parenthèse, dans Bionic Commando, la réimagination qu'il y a eu sur les consoles next-gen, s'il y a une bonne affaire de réussir là-dedans, c'était le grappin. Ah ouais? C'était le gros Bionic Commando qu'ils ont fait, là, le nouveau. Le gros Bionic là. Commando, le gros, là, qu'on dirait que c'est son bras, c'était des hot dogs, là. Ouais, t'as... Mais ouais. Le grappin, il l'avait réussi. Ah ouais? Ça, moi, j'étais frustré, j'ai joué à ça, je fais comme... Oui, mais le grappin, c'est le fun! tout est mauvais! Tout est pas terrible, mais le grappin, c'est le fun! Ouais. Fait que tu te promenais, puis ça, ils l'avaient réussi. Ils m'ont dit, j'ai l'impression qu'ils ont passé tout le temps là-dessus. Ouais, probablement. Mais oui, anyway, de retour en arrière. Ben écoute, c'est ça. Là-dedans, il n'y a pas de gros bras en doc de même. Là, c'est vraiment la même affaire. Puis, tu passes au travers. T'sais, la map, c'est la même chose. T'as des villages, t'as des tableaux, t'as des hélicoptères, t'sais, des. Mais est-ce qu'il est vendu de la même façon? Parce que ça donne l'impression que c'est le même jeu que la version NES. Qu'est-ce que tu veux dire vendu? Mais dans le sens que, est-ce que la pochette, c'est la même? La pochette, c'est genre la même... T'sais, t'as le gars avec son bras qui t'sais du gars. C'est ton jeu, c'est le Bionic Commando du NES porté pour la Game Boy? Je dirais que oui, mais le personnage, c'est moins laid que sa version NES. Parce qu'on s'entend, c'était vieux, ça. Là. C'était dans le temps que c'était même pas dans le design. Capcom avait des boîtes mauves, puis c'est avant ça. Aussi vieux que le premier Mega Man ou Gunsmoke ou ces affaires-là. Entre les deux, là, c'est une boîte toute bleue. Mais non, ça se veut quand même un symbole sur le cover, tu sais, ça indique que ça va se ressembler pas mal. Quand tu regardes en arrière aussi, là. Donc, ça se ressemble beaucoup. Il y a des bonnes différences, puis c'est des bonnes... Je veux dire, il y a plusieurs différences, mais c'est des bonnes différences. Puis la musique, ils ont amélioré le jeu. Puis c'est surprenant pour un jeu de Game Boy quand même, tu sais, parce que le Game Boy, c'est moins puissant qu'un NES, là, on s'entend. Mais cette version-là est quasiment supérieure au NES. Là. C'est vraiment un très, très bon petit jeu. Pas disponible nulle part, à part en copie originale. J'espère que ça va être disponible un jour sur la 3DS en virtuelle console. Sûrement, Mais j'espère que Nintendo va pas juste faire des jeux Nintendo. Ben non, mais garde, Gargoyle's Quest, ça appartient à Capcom. C'est vrai. Je me dis, garde, il y a de l'espoir. Hein. Ben, ça serait un très bon jeu à porter, là, parce que vraiment agréable. Parce que même Mega Man, Dr. Willy's Revenge... Ouais, t'as bien raison. Et sur la 3DS. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. En tout cas, je le souhaite pour tout le monde. Ou sinon, si vous le trouvez, vous l'achetez. Achetez-vous un Super Nintendo, un Super Game Boy. Jouez dans votre Super Nintendo. Ou achetez-vous un Game Boy Advance. C'est vraiment ça le meilleur pour jouer aux jeux de Game Boy classique. Achetez-vous un petit Game Boy Advance là, avec qui flappe, là, le SP, je pense qu'il s'appelle. Moi, c'est ça que j'ai, puis c'est superbe, les jeux Game Boy là-dedans. C'est pas lourd, tu sais, comme machine, je veux dire, là. Ça pèse une plume, tu sais, puis la résolution est crisp, là. C'est super propre. Donc, pour les jeux Game Boy classiques, qui sont vraiment pas chers, d'ailleurs, à part celui-là, ça vaut la peine. À part celui-là. Fait que moi, pour continuer, je vais vous parler de... Ah, je vais vous parler d'un autre que mon prochain. Je vais vous parler de Mortal Kombat. Ouais, parle-moi-en, parce que ça m'intéresse. Moi, j'étais dans mon passé, et je suis encore aujourd'hui, j'ai juste plus d'amis pour jouer. Tu sais, j'ai plus dans des soirées de brosse à jouer à des jeux de combat, malheureusement. Mais j'aime les jeux de combat, j'adore ça. Puis je trouvais que, pour une fois, un Mortal Kombat avait donc bien l'air réussi. Mais, hein? Ce qui arrive, c'est qu'on pourrait dire que c'est la version définitive là, de Mortal Kombat, parce que j'ai rejoué aux deux récemment. Puis je me Sur le Super NES? Non, pas sur le Super NES, par exemple. J'ai joué sur... Il est sorti sur XBLA et PlayStation Network. Fait que j'ai joué... Mais c'est la version Super NES. Ouais, c'est la version Super NES. J'ai rejoué sur une 360. Ouais. Puis là, je jouais à ça, puis je sais comme... Ouais, mais tu sais... C'est carton il manque un peu, comme là. Ça, il manque ça, puis... Moi, j'ai tout le temps trouvé le 3 meilleur, par exemple. Ah oui? OK, t'es un des premiers que... J'ai beaucoup aimé le 3. Premièrement, il y avait beaucoup plus de personnages. C'était quoi? C'était Ultimate, ça? C'est Ultimate Mortal Kombat? Non, c'est Mortal Kombat 3. Ah non, c'était vraiment Mortal Kombat 3. Au Super NES, vraiment la suite du 2. Oui, l'Ultimate, j'ai pas joué, par exemple. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir au Mortal Kombat 3. Mais moi, je les ai tous essayés, parce que je suis vraiment un fan de Mortal Kombat, puis j'ai toujours trouvé que c'est tellement c'est un jeu de combat qui fonctionne, puis c'est tellement rapide. Mortal Kombat, tu sais, puis par rapport à Street Fighter, ils ont comme un edge que Street Fighter a pas. J'adore Street Fighter, mais je suis plus Mortal Kombat que Street Fighter parce que je trippe sur l'horreur. Tu sais, Mortal Kombat m'offre mon côté cheesy et mon côté film d'horreur, série B en même temps. Puis, dans le nouveau, ils ont vraiment embrassé ce côté-là. film d'horreur, série B. Premièrement, le, tous les personnages qui sont dans le jeu, bravo, là, c'est vraiment... Ils ont toutes et plus. Ils sont toutes là et plus. Même que sur PlayStation, tu peux jouer avec Kratos. Oui. Ce qui est très cool, là, ouais. Parce que Kratos, c'est vraiment... Freddy Krueger aussi. Freddy Krueger en DLC. Addition, ça, vraiment. Superbe addition, là. Moi, j'attends juste, je me dis, Krim devrait mettre Chuck Norris à un moment donné, là. Ouais. Parce que, tu sais, film de série B... Ouais, mais en même temps, tu te dis, film de série B, ça fit, tu sais. J'aurais mis lui ou genre, tu sais... Un des. Tu sais, au pire, un Bruce Campbell, là, sortir, avec là. Une chaîne ça et un dos. Ouais, là, exact. Là, ça fitrait ouais, plus. Ouais, H, c'est vrai que ça fitrait. Ouais. Mais bref, pour dire ce qui fait que ce jeu-là est écœurant, c'est que. Striker est dedans. Oui, Striker est dedans. Yeah, c'est pour vrai. Ouais. Mais dans le 3, justement, ici qu'on voit, là, il était tellement laid. Ah là, ouais, il était de... dégueulasse. Ouais, mais c'est parce que dans ce temps-là, c'était des. Tu sais, c'était littéralement des photos, là, puis. Des ouais, fois, j'ai appris une casquette que à l'envers, il y avait une bedaine, là. Il y avait tellement pas un beau j'ai sens. Appris en plus que des fois, c'était des développeurs. Ah ouais, là. Jeux qui posaient pour faire les personnages. Mais, check, bref. C'est ça, ouais, c'est lui, Striker. Mais il a l'air de ça, maintenant. Ouais. Ouf. Il est guère mieux. Excusez pour la ouais, parenthèse, c'est pas, mais c'est vraiment, en ce qui me concerne, ce personnage-là, il a risé de Mortal Kombat. Ah, il est ridicule, mais il va bien, Striker, par okay. Mais ce qui est le fun dans Mortal Kombat, dans le nouveau, c'est que tous les personnages ont maintenant quelque chose d'intéressant. Tu sais, normalement, dans un jeu de combat, j'ai visiblement mon préféré, puis il n'y a rien à faire, je suis pas capable d'utiliser un autre personnage. Ouais. Là-dedans, je trouvais qu'il y avait tout quelque chose d'intéressant, puis ils ont inclus un mode histoire qui est le fun pour une fois. Oui, hein. Un mode histoire dans c'est un jeu de combat, c'est poche combat. Tout le temps, là, c'est tout le temps poche. Puis là-dedans, c'est bon, c'est très bien ficelé. Ils te forcent à jouer avec pas mal tous les personnages quand tu fais ton mode histoire. Fait que c'est le fun, ça te fait essayer des personnages, puis. Ça te fait découvrir des personnages parce que quand tu pars une game, un versus ben normal, un quick play, ben là, tu vas souvent choisir des vieux bonhommes que tu tripais. Fait que là, tu ouais. vas aller chercher Scorpion, ah ouais. tu vas aller chercher Sub-Zero, tu sais. Mais là, c'est le fun parce que ça te fait découvrir d'autres choses, puis ça te fait essayer d'autres choses. Puis j'ai trouvé aussi que le mode en ligne est super tête, ça va vraiment bien, il n'y a aucun lag. Pour un jeu comme ça qui est aussi rapide, c'est quand même assez impressionnant. Puis aussi, il y a un bon suivi sur le jeu, chose qui est difficile pour un jeu normalement là, d'avoir du suivi aussi longtemps après sa sortie. Ouais, les autres ouais. continuent à sortir du contenu pour ce jeu-là, puis ça c'est vraiment cool. Il y a une super bonne communauté autour du jeu. Puis, il y a un challenge qui est écœurant. Puis, en plus de ça, tu peux débarrer certaines choses. Tu t'en vas dans la crypte. Puis là, une fois que tu as ramassé assez de points, tu vas débarrer non seulement de l'art du jeu ou de la musique du jeu, mais tu vas débarrer aussi des tableaux. OK. Puis des skins, donc des nouveaux costumes pour tes personnages. Fait que c'est vraiment trippant. Ils ont trouvé le moyen de te garder accroché tout le temps. Ouais. Puis Mortal Kombat, c'en est un des jeux que j'ai, puis que je joue encore, puis que ça arrive souvent. Là, j'ai fini une game d'un jeu super récent, je fais comme « Ah, une petite game de Mortal Kombat, ah ouais. je me passe ça. » Puis je me fais à peu près là, 4-5 combats de suite, parce que les combats sont tellement rapides. Ouais. Les fatalities sont écœurants. Le nouveau X-Ray Vision qu'il y a dans le jeu. Ah oui, cette affaire-là, c'est vrai. Tu fesses dans le personnage, ouais, puis ouais, tu vois tout se briser ça. À l'intérieur. C'est débile, c'est vraiment des super bonnes idées. C'est, je pense son nom, c'est Ed Boon qui est en arrière de ça, le créateur. Puis c'est un des créateurs originaux. Puis crime, quel génie bon. Pareil. Ouais, là, il a vraiment réussi à faire la version de Mortal Kombat. Puis ça fait le tour, je sais qu'il y a plein de monde qui ont trippé. Je pense que c'est Steve Desgarry qui disait au rendez-vous de la balado-diffusion. La balado légendaire, je veux ouais, dire. Ouais, il était dans son Et top. Et lui, hein. il était dans son top. Il dit, moi, Mortal Kombat, je trippe. Ben, man, Steve, je te comprends. Moi, je trippe en tabarnouche Mortal. C'est, yes. c'est vraiment écœurant. Méchant bon jeu. Achetez-vous ça. Si vous aimez les jeux de combat, c'est un incontournable. Mais dis-moi, vite de même, ouais. est-ce que... Tu sais, il y a tellement de personnages, là, mais mm-hmm. je peux pas... Là-dedans, là, ils doivent tous se ressembler un peu, à part physiquement et leurs moves spéciaux. Non! Dire, le contrôle, là... Ben, le contrôle, ça ressemble c'est quand même, là, tu sais... C'est comme si t'avais des Johnny Cage, il doit y en avoir 5 là-dedans qui ouais. jouent de la même façon. Non, t'sais. C'est ça, c'est que tous les personnages qu'on aime puis qui sont classiques... Ouais. ils ont quand même encore un petit edge de plus que les autres, à mon avis. T'sais. Mais les autres nouveaux les qu'ils autres, rajoutent, c'est-tu juste comme du rajoutage pas. Ou ils sont vraiment poussés? Non, ils sont vraiment poussés. Puis okay. ils ont vraiment poussé. C'est pas Scorpion avec un autre skin sur non, la tête. Non, pas du tout. Okay. Tu sais, c'est comme il y a une raison pour laquelle tu vas prendre, mettons, Cabal ou tu vas prendre Goro. Cabal, ou je l'aime. Tu vas prendre, je me souviens jamais de son nom, mais celui-là qui a une espèce de chapeau avec des lames. Kung Lao. Ben, ouais. C'est ça, mais tous ces personnages-là sont différents, ben, ils ont toutes leurs saveurs, tu sais. De Kung Lao, ici, on les voit, de Kung Lao, puis là, ici, il y en a un autre avec un chapeau. Ouais. Puis là, il doit y avoir une fille avec un chapeau en quelque part, fait que ça fait comme trois mais personnages c'est ça, à chapeau qui jouent de la même façon. C'est Scorpion, Sub-Zero, mais Smoke, Reptile, mais c'est tout pareil, tu sais. C'est pas pareil. Non? Smoke et Reptile sont très différents cette fois-ci, puis okay. Tu vas, c'est sûr que tu vas finir par trouver un certain point, ouais. Qui ton bonhomme, puis... Avec qui tu tripes vraiment, là, c'est lequel ton personnage préféré. Moi, je me suis rendu compte que j'ai fini c'est par tripper. C'est qui ton bonhomme? Ben, Crime, ça a longtemps été Scorpion parce que je suis un puriste vraiment ouais, de ça. Ce jeu-là. Puis là, c'est rendu Liu Kang. Ah oui? Parce que Liu Kang, dans ce jeu-là... C'est une machine. Il est débile. Ah, il est ouais? écœurant. Là, ouais. Il est meilleur que Bruce Lee. Là, ben, c'est aussi. Correct, ça. Fait, moi, ce que j'ai jamais joué avec... J'avais le Mortal Kombat 1 sur ouais. Super NES dans le temps. Puis jamais je prenais Liu Kang. Tu sais, il était ouais. une poche. Ah, mais là, je suis content. Ouais, c'est ça. T'sais, mais tu sais, c'était le seul qui pas ridicule. Horreur. Tu sais, c'était ouais. comme l'average chinois. Ouais, là, Joe, là, mais ben je suis content normal. Qu'il l'ait pimpé férocement ouais. là-dedans, qu'il en ait fait une machine à tuer. Parce que justement, lui, il n'a pas de couteau. Non, c'est ça. Il est de même. Donc, ça compense, mais il est badass pareil, même s'il n'en a pas de l'air. C'est un hey, underdog au look. Oh, oui. Moi, c'est ça que j'aime. Il y en a un aussi, je me souviens pas de son nom, mais il a des pouvoirs paranormaux, tu sais. OK. Puis il va réussir à te faire bousiller l'intérieur, puis tout ça. Puis ça aussi, j'aime ça, cette espèce de côté-là d'un personnage qui est un petit peu plus lent, mais qui, ouais. Qui peut te faire des hits assez épouvantables en restant sur place. Fait que... Puis mon Johnny Cage, man, il est-tu bon, mon Johnny Cage? Moi, Johnny Cage, il est cool, en maudit. Ouais. Mais Johnny Cage, ils l'ont amélioré aussi. Aussi, hein? Ils il l'ont mis vraiment, un petit peu plus hard. Là. Oh, oui, ouais. Il est tight, puis il va super bien. Puis tous ces personnages-là, comme j'ai dit dans le mode histoire, t'es découvres toute la gang. Ouais, tu découvres ça doit être comment jouer fun. Avec, puis t'as pas le choix pour évoluer. Faut, tu sais, tu passes, suppose, tu check les moves, OK, je vais essayer de faire ça finalement. Ouais. Fait que tu réessayes, puis tu finis par être pas mal, pas pire avec tous les personnages. Puis je me dis, Colin, qu'est-ce que Capcom attend pour faire ça avec Street Fighter? Parce que Street Fighter, moi, c'est devenu ça avec le temps. C'est devenu le jeu que je suis comme « Allô, moi je suis le gars qui joue à Street Fighter 2 ou Street Fighter Alpha, puis ouais. je suis complètement out de la game, là, tu sais. Je joue à Street Fighter 4, là, j'ai un chum, Mad Props, Nicolas Lachapelle, yes. excellent joueur, probablement un des meilleurs joueurs de Street Fighter que je connaisse, surtout Street Fighter 4. Tu sais, ce gars-là, il arrive, là, puis il me clenche, ça prend 20 secondes, tu sais. Ouais. Je suis pas bon de même, tandis que à Mortal Kombat, même si tu as un pro avec un junior, pareil comme dans le temps à l'arcade, le junior va peut-être clencher le pro. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Street Fighter, c'est pas pareil. Street Fighter, tu as vraiment besoin de cette technique-là, là, microscopique. Des microsecondes sont importantes. Ben, les combos sont différents à l'ND. Ah. Là, à Street Fighter, sont plus difficiles. J'ai tout le temps eu de la misère avec ça. Mais c'est tout le temps top, mais j'aime ça, Street Fighter. Ouais, je aussi, dénigre pas Street ça. Fighter, mais. Mortal Kombat vole la vedette là, tellement cette année. Là. Ouais. Cool. Ben moi, je vais continuer avec un petit jeu pas compliqué puis que j'ai découvert sur le tard. Il s'agit de Plants vs. Zombies. Ben oui. Écoute, out of nowhere, là, encore une fois dans le staff pick. Ouais. C'était là. Je suis allé voir c'était quoi avant. Tu sais, j'ai hésité un peu. Je vois, ça a l'air assez simpliste, là, mais c'était PopCap, tu sais. Puis je trouvais ça cool. Donc, j'ai essayé. Et oh mon Dieu, mon gars, ce jeu-là m'a captivé, là, mais solide. Là. C'est vraiment un des jeux les plus addictifs que j'ai joué depuis un bout. Là. Et j'y joue encore parce que mon fils aime ça regarder ça. Puis j'ai tout fait, là. J'ai passé au travers, genre, trois fois. Parce que quand mon fils me le demande, hey, je veux. On regarde il un peu ton DS. Jeu, ton OK, on va regarder un petit peu. Je continue ma game. Puis fuck, je suis vraiment rendu loin. Là, j'ai tout acheté dans le magasin, sti. Puis j'ai plus rien à faire avec mon argent. J'ai de l'argent, ça n'a pas de. En tout cas, mais ça continue d'être aussi le fun. Ouais. Parce que. Écoute, c'est très original, ce genre de tower defense, de plantage de plantes qui jettent des affaires sur les zombies. Les zombies qui veulent rentrer chez vous. C'est un bon jeu de zombies, ça, ouais. Puis, mais c'est ça, visuellement, il est super le fun. C'est super cute, et puis c'est rien de méchant. C'est pour ça, justement, que je laisse mon fils regarder. Il n'y a pas de, y a rien de bloody là-dedans. Là, c'est happy, happy au max. Là. Ouais. Puis, il y a une variété incroyable de plantes que tu peux mettre pour passer à travers les multiples stages qui sont en avant de chez vous, le jour, en arrière, il y a une piscine, la nuit, sur le toit à la fin, la nuit avec du brouillard, que tu vois juste la moitié du stage, la nuit avec des pierres tombales qui bloquent le chemin, t'sais. Avec une piscine au milieu, c'est ça. Il y a de l'eau. Puis chaque, il y a des plantes. Quand il y a de l'eau, ben tu peux planter des nénuphars, puis planter sur les nénuphars, tu sais. Quand il y a du brouillard, tu peux planter une plante qui fait un genre de gros vent qui pousse le brouillard, ou planter des lanternes. Sur le toit, faut que tu plantes, faut que tu mettes des pots, puis après tu mets tes plantes dedans, tu sais, ça rajoute une difficulté. Fait que la courbe est très bien, tu sais. Puis en rejoignant, c'est pas très difficile par contre. Mais non, sauf que vraiment, chaque partie est différente. C'est ça que j'aime aussi. Puis en rejoignant, tu refais les stages pas de la même façon. Ouais. Parce que t'as tellement de plantes, à un moment donné, tu te dis, ah, je vais prendre ceux-là qui garagent de la glace. Ici, c'est ça que je vais faire. Puis je vais mettre des patates à terre qui vont faire exploser. Je vais mettre des pics puis des plantes carnivores. Ouais. Là, c'est cool. Tu boostes tes affaires. Là, dans l'autre, tu te dis, ah, fuck off. Là, je vais mettre des bledings catapultes en masse. Puis je vais mettre des balles de feu, ceux-là qui font du feu. Des shooters, je vais mettre des chats sur l'eau, tu sais. Chaque stage peut être joué de multiples façons. Tu peux choisir tes plantes là, infiniment, là, des cons. Ouais. Parce que tu achètes des slots aussi, tu peux pas toutes les avoir pour faire chaque tableau. Donc, tu sélectionnes une coupe en haut, puis tu peux en sélectionner plus. Ça devient long, ça, plus le jeu avance. Là, moi, j'étais comme. À fin, tu prends ça. Ah, non, je prends pas ça, là, je le ramenais, Là, les derniers. Mais tu sais, il y a un pattern quand même. Parce que, premièrement, tu te prends tout le temps des tournesols pour te faire du soleil pour booster ton énergie. Parce que là-dedans, c'est même ça marche. Tu ramasses des soleils pour te faire des points. Puis avec ces points-là, ça te permet de mettre les plantes. En tout cas, je n'expliquerai pas toutes, mais c'est un principe très agréable. Puis, tu sais, tu mets, bon, la nuit, tu mets les champignons gratis, là, les petits à zéro. Puis moi, je me mettais tout le temps la poire, tu sais, qui écrase un zombie. Ouais. Au cas où je suis mal pris, les cerises aussi qui font une explosion. Au cas où ça se met, tu sais, à brasser une place. Donc, puis après ça, tu alternes, là, c'est vraiment... Moi, je pense que le secret de ce jeu-là, c'est les plantes qui gèlent. Ouais, coûte cher. Les plantes qui tirent pour geler, là, c'est. Écoute, ça, puis à la fin, les plantes qui tirent trois projectiles. Ouais. Ceux-là sont bonnes, ceux-là à deux têtes, là. À deux têtes. Une en avant, une en arrière. Ouais. Ben, en arrière, moi, je trouvais que ça servait à rien. Il y a juste Zombie qui vient t'attaquer. Il y en a deux plantes que tu mets sur une rangée, puis ils tirent aussi sur l'autre rangée. Ouais. Ça, c'est très utile, ça, parce que si tu en mets plein, là, décalé, là, ça massacre. Ben, les étoiles aussi qui tirent dans toutes les directions. Mais un que j'aime bien aussi, c'est le gros maïs géant. Je sais pas si tu l'as. Tu mets deux bledings, puis là, tu sacrifies tes deux bledings pour mettre cette espèce de gros épi de maïs géant. Puis quand il clignote, il y a un maïs dans la bouche, il est prêt à lancer. Il lance comme un missile, ça tire dans les airs, puis ça tombe, ça fait une explosion, ça pète tous les zombies. Tu sais, puis mettons, il y a un zombie qui arrive. Tous les zombies sont très différents. Il y en a qui dansent le disco, ils font sortir d'autres zombies du sol. Il y a des joueurs de football zombies. Il y en a un qui saute avec une perche par-dessus ta première ligne de défense. Ouais. Dans l'eau, t'en as avec. Celui-là avec le masque, avec un tuba. C'est ça. Puis bon, tu l'eau. Puis il y en a qui sont paniquants là-dedans. T'as un zombie en zamboni, tu sais, qui avance vers toi, puis il fait de la glace en arrière. Il écrase tout. Puis après ça, il y a un team de bobsleigh, de zombies qui embarque sur la ligne de glace qui vient de faire, puis trempe dedans. Là, merde, je capotais quand j'ai vu ça. Puis t'as des mini-games dans la version que j'ai jouée. Puis un des mini-games, c'est genre zombie bobsleigh team. Ouais. Puis c'est juste ça, des zamboni, mon gars, là, puis des bobsleigh, man, je capotais. T'sais. Puis c'est, à un moment donné, tu découvres que pour péter les zamboni, tu mets des spikes à terre. T'sais. Fait que aussi, c'est ça, t'apprends c'est quoi les faiblesses des zombies là-dedans. Puis tu peux choisir, tu peux aller voir chaque zombie, t'as un book, tu sais, aller cliquer chaque plante, qu'est-ce qu'elle fait, chaque zombie, tu sais, puis à chaque zombie, t'as un petit descriptif, genre, ce zombie-là, lui, là, tu sais, t'es comme un almanach, puis tu peux voir vraiment toutes les descriptions. C'est humoristique au max, même à la limite, ça t'aide même pas dans le jeu, mais c'est juste drôle à lire, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, j'ai joué à ça en DSiWare. Ouais. J'ai payé ça aux alentours de 10$. Ouais, moi, j'avais fait la critique à M. Nip, c'était la version DS, là, ouais, vraiment, sur un cœur. Fait que c'est la même chose, là, oui. Je pense, ça a été porté. C'est la même affaire. Puis j'ai aussi la version PlayStation 3. C'est vraiment moins pas intéressant. Aussi intéressant. Ce jeu-là est fait pour être joué avec un stylet, avec tes doigts, ouais, en iOS ou avec une souris, peut-être ça va plus vite, mais avec une manette, là, c'est pas... Ça c'est marche vraiment pas. Pas la même affaire, je trouve. Ah non. Mais avec ADS, là, avec le crayon, tac, tac, tac, tac, ouais, ça va super vite parce qu'il faut que tu ramasses tous tes trucs. Sur iPad, c'est trippant. Là, iPad, ça doit être génial. J'aimerais vraiment. Moi, je trouve que c'est la version définitive. Ah, j'en suis sûr. Parce que tu fais toutes tes affaires avec ton doigt, puis écoute, ça marche, puis tu as de la place aussi. Ah ouais, c'est ça. Sur DS, moi, ça avait été ça mon problème. Moi, je me suis habitué, par exemple. Là, j'ai pas assez de place pour faire tout ce que j'ai à faire. Ouais, j'aurais besoin de deux écrans tactiles. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça le bémol aussi dans ODS, c'est que l'écran du haut sert à rien dans le fond. Là. Donc, ben, y a des zombies qui passent, mais c'est juste ouais, pour faire ça. Beau, c'est juste pas cute. Mais écoute, j'ai trippé là-dessus, ce jeu-là m'a pris dans le détour, man. Puis j'ai joué, puis je joue encore, puis j'adore ça. Prochain jeu que je vais vous parler, c'est Infamous 2, ouais, qui est un autre jeu qui m'a pris par surprise parce que... Ben attends, c'était tout surprenant que le 2 allait être si bon vu que le premier était déjà pas mal hot. Ben moi, je m'attendais d'avoir encore la même sauce. Tu sais, je m'attendais à ce que ça soit le plus de la même affaire. C'est pas le cas. C'est vraiment... Ils ont vraiment bien fait leur affaire dans le deuxième. C'est que, premièrement, les contrôles sont vraiment meilleurs. Avant, j'avais de la misère des fois à monter sur des buildings. Je trouve que ça a été mieux fait. Puis aussi, pour ce qui est de détruire tes ennemis, ouais, là, tu te sens vraiment... T'as un bâton électrique. Y était-tu dans le premier, ça? Non, c'est ça. Dans le deuxième, il y en a un. Non, c'est merveilleux que tu dises ça. Oui, dans le deuxième, t'as un bâton. C'est ton arme. Tu sais, je mange des chips en même temps, je parle. Ah non, c'est fait, Chris, notre dernière d'année. Puis ton bâton électrique, c'est ton arme principale. Oui. OK. C'est ton arme principale, mais en même temps, je pourrais plus dire que c'est ton arme secondaire, parce que ton arme principale, c'est de lancer de l'électricité. Ah, c'est ça. Okay. Avec tes mains, tu sais. OK. Puis je trouve que là-dedans, dans le deuxième, t'as comme un feeling de peur aussi à cause des espèces de grosses bébites qui se retrouvent dans le jeu un peu partout. Là, des fois, tu te fais poursuivre, puis c'est vraiment rushant, là, c'est vraiment tough. Puis, tous les ennemis, les environnements qu'il y a là-dedans, New Marais, l'espèce de swamp, c'est tellement beau. C'est un monde qui est assez grand quand même. Puis, les missions sont très variées. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là. Puis, l'histoire est super bonne. Ils ont décidé d'aller dans le premier, c'était comme un peu fin du monde. Mais en même temps, l'histoire avec les personnages, c'était très up-tempo, c'était comme « Wouh! » C'était drôle, ça a l'air de ça. Dans le deuxième, t'as une espèce de chummer qui est comme chubby. Oui, Zeke. Mais c'est ça, Zeke, dans le deuxième, il est encore funny-funny, mais plus le jeu avance, moins il est funny-funny, okay, okay, moins ça va bien. Oh. Puis t'as aussi là-dedans une fille qui essaie de te faire changer d'avis. T'as des choix moraux à faire dans ce jeu-là. Okay. Fait que tu commences, là, tu te dis, bon, on m'a joué en bon. Puis à un moment donné, tu sais, t'as comme une fille qui t'aide qui est bonne, puis une fille qui t'aide qui est mauvaise. Puis là, tu fais comme. Ben, tu vas vers la mauvaise. Ouais, non, je vais aller vers la mauvaise, là, parce que ça a l'air pas mal plus trippant ce qu'on m'offre de faire. Fait que là, tu t'en vas faire une mission mauvaise, ton karma change un peu. Fait que contrairement au premier où tu décidais d'être bon d'attitude, puis décidais d'être mauvais d'attitude, okay, là, ton opinion change souvent. Mais quand ça change au final, ça, à la fin du jeu? Ce que ça change, c'est que tes pouvoirs sont différents. OK. Le jeu est différent parce que tes choix sont différents. Donc, si t'es bon, la police sont de ton bord. Si t'es mauvais, la police te tire dessus. Faut que tu te battes contre la police. Faut que tu te battes contre la police. Faut que tu te battes contre tes ennemis en plus. OK. Puis les gens vont pas te supporter. Coudon, il n'y a pas même d'avantage. Des fois, les gens peuvent t'aider. La différence, c'est que quand t'es méchant, par exemple, c'est que tes pouvoirs sont brutaux. C'est vraiment écœurant. Puis, la fin finit complètement différemment. J'en doute pas. La fin est écœurante. Des deux bords, là, vraiment, la fin, là, c'est solide. Là. Okay. C'est méchante bonne fin avec une super bonne twist. Puis, en plus de ça, j'ai eu la chance de critiquer à M. Net Festival of Blood, ouais, qui était une extension de ça avec laquelle j'ai eu énormément de fun parce que C'est comme c'est encore plus de Infamous 2, mais avec une petite twist. Fait que, non, moi ce jeu-là, il m'a surpris. C'est un jeu que j'ai joué du début jusqu'à la fin. C'était le seul jeu qu'il y avait dans ma PS3, puis je jouais juste à ça. Okay. Je l'ai fait là, comme d'un shot, j'ai vraiment trippé, donc... C'est pas mal ça. Ouais, hein. Ça va me les prendre, les deux Infamous. Oh, Kirin, oui. Le premier doit plus être très cher, d'ailleurs. Ouais, le premier est plus très cher quand même, mais tu sais, le deuxième clenche vraiment le premier. Ouais, ouais. Tu sais, maintenant que j'ai joué au deuxième, je sais pas si j'apprécierais autant le premier, parce qu'il y a des problèmes. Le premier, il est vraiment pas parfait. Puis le deuxième, l'histoire est bonne, les personnages sont bons, les choix moraux, ça ajoute beaucoup au jeu. Puis. Toute l'île de New Marais est comme pas mal plus grande. Une autre affaire aussi que j'ai pas dit qui est vraiment cool, c'est que t'as la bête qui était dans le fond à la fin du premier. Ce qui était le fun, c'est que dans l'histoire, tu disais « Ah, maintenant tout est réglé, il me reste plus qu'à affronter la bête parce qu'elle s'en vient. » Puis là, tu disais « La bête, pourquoi ça, la bête? » Puis c'était comme à compter, à suivre. Puis là, tu disais « Pourquoi ça? » Là, tu t'en sacrais, le temps passe, on oublie tout. Ouais. Là, tu reviens au deuxième, puis c'est comme, aïe, ok, ouais, on suit vraiment direct avec ce que finit ouais, le premier. Ouais, ça, c'est cool quand ça arrive, ouais, parce cool, que c'est ça. Rare maintenant, parce que, tu sais, un jeu, regarde, ça prend 2, 3, 4 ans à développer, fait qu'à un moment donné, les développeurs, ils se disent, ben là, c'est parce que peut-être que le deuxième, il y a du monde qui joue à ça, qui n'ont jamais joué au premier. Ben, moi, je pense, soit ça, ou comme quand le premier est vraiment pas assez fort, il floppe peut-être un ouais, peu. Ils vont on veut repartir à neuf, tu sais, pour repartir la série du bon pied. Oui. Mais là, la série était bien partie, fait qu'ils ont c'est continué, ça. Puis c'est très bien. Mais ils ont continué, puis c'est tu commences où t'as terminé dans le deuxième, ça ouais. commence de façon épique avec un bonhomme gigantesque qui est la bête, ouais. qui réussit à te sacrer une volée, puis va falloir que tu la rebattes, puis à toutes les fois que tu avances dans le jeu, c'est écrit, tu sais, la bête est à 36 km de New Marais, tu sais, puis ta voix approchée sur ta map. Tu sais que dans pas long, tu vas te faire sacrer à voler. Fait que, non, vraiment cool, super bon jeu. Puis il est sorti, ça fait un bout de temps. Fait que, il va probablement, moi, d'après moi, dans le temps des fêtes, il devrait avoir des méchants deals sur ce jeu-là. Ouais, j'avoue, hein, je vais aller voir ça. Ça s'en vient. Au EB Games, promenade Saint-Bruno. Bon spot. Donc, moi, je suis en chienné. Je vais enchaîner avec Journey to Silius. Ah oui. Qui est un excellent jeu au Nintendo, dont j'ai fait la critique cette année. Puis, j'en parle parce que je l'ai acheté cette année, même si j'avais encore une fois déjà joué quand j'étais jeune, mais je ne m'étais pas rendu loin dans le ouais. temps. Et ça m'était resté dans la tête. Puis, je suis très content de l'avoir retrouvé, ce jeu-là, qui est un très bon jeu fait par Sunsoft. Oui. Un très bon développeur dans le temps pour Nintendo. Mais hein. Et puis, c'est un jeu pas facile. C'est un genre de platformer avec un gun, pas un run and gun comme Contra, tu sais, mais... Non, c'est... On dirait que tu marches plus que tu cours. Ouais, aussi, c'est là. Ça. Ben, tu cours un peu, mais tu sais, pas vite, là. Ouais. Mais c'est ça. Donc, ça se passe vraiment dans le... Ben, comme j'avais dit à la critique, c'était supposé être le jeu de Terminator 1, mais finalement, ça a chié, donc ils ont transformé ça en Journey to Silius. Donc, imaginez-vous l'univers de Terminator 1, là, ouais. C'est vraiment dans l'espace, là, c'est très, très, très spatial. Premier tableau, c'est l'apocalypse, là, ouais. C'est vraiment, c'est, pour du NES, là, c'est vraiment beau. Et puis, le main feature de ce jeu-là, ben un gros feature, c'est la musique. Mm-hmm. Le soundtrack de Journey to Silius est reconnu pour être un des meilleurs soundtracks du NES et avec raison, là, chaque tableau a son beat, il y en a juste 5. C'est vraiment puis, bon. Mais c'est vraiment, vraiment bon. Là. Juste le premier stage, quand la musique part, là, ça te met dedans. Oui. Moi, c'est cette musique-là que je me souvenais et que j'avais jamais oublié, même quand j'avais joué quand j'étais jeune. Donc, j'ai vraiment trippé. T'sais. Puis là, je suis plus vieux, donc je suis meilleur. Je me suis rendu un peu plus loin. J'avais fini, mais avec un cheat, par exemple. Mais quand même, j'ai travaillé fort. J'ai fait le tour. Puis, c'est un jeu rétro qui me donnait le goût d'y rejouer. Oui. C'est pas tous les jeux jeux, c'est pas tous les vieux jeux là, qui donnent le goût de réessayer puis de le remettre pour le fun. Tu sais, mettons, t'es chez vous, puis moi, je suis le même, là, je vais pas nécessairement jouer au PlayStation 3 ou whatever. Mm-hmm. À quoi je jouerais? Ben, un jeu de Game Boy, un jeu de PlayStation 1, un jeu de choix, toi, là, moi, j'ai du choix, à télévision, jeux, Atari, à quoi que je jouerais? Moi, je suis, je me coucherais, j'aurais pas fait mon choix encore. Ben, des fois, ça fait ça aussi, je vais dire, oh non, fuck, y'en a ben trop. Ouais, c'est ça. Mais tu vois... Non, faire une toast. C'est clair. Je vais aller voir mon pool de hockey. Je suis plus vraiment le hockey à cause des jeux vidéo à cette heure, malheureusement. Mais non, tu vois, Journey to Silius pourrait être un jeu que je ressors demain pour faire une game de temps en temps, rien que pour me replonger dans ce bel univers, la musique, puis le gameplay. C'est vraiment en tête. Un jeu pas facile à trouver, vraiment très peu connu. Ça vaut pas, tu sais... C'est pas un jeu. Ça a une bonne valeur, ça coûte cher. Ouais. Moi, je l'ai eu à bon prix au marché aux puces. Là. Encore une fois, les marchés aux puces, c'est les meilleures places pour les jeux rétro parce que les gens connaissent pas ça. Mais c'est comme un succès culte. Les gens qui ont joué trippent dessus, mais en gros, là, tu dis ça, Journey to Silius, il y a beaucoup de monde qui ne savent même pas que absolument. Ça existe. Là. Mais les gamers, t'sais, les vrais là, qui ont joué beaucoup, là, t'sais, ils connaissent ça, Journey to Silius. Puis il y a du monde qui m'ont répondu, qui m'ont parlé. Ah ouais, ah, la musique de ça, c'était écœurant. Moi, c'était la pochette. J'avais vu la pochette, je l'avais louée au club vidéo. Ah ouais, absolument. Le genre de. C'était écrit en orange fluo sur fond, là, bleu, assez dark. Donc, c'est un bon jeu de Sunsoft dans le temps, et malheureusement, qui a passé inaperçu. Ben, heureusement, parce qu'on en fait un hidden gem aujourd'hui. Ouais, c'est très, très, très valable. Moi, j'adore ce jeu-là, puis j'adore la musique. Je l'écoute en travaillant, des fois. Donc, ça vaut la peine. Si vous voyez ça, vous l'achetez immédiatement. Je vais vous parler maintenant de Driver San Francisco. Parce que Driver San Francisco, ça aussi, j'en avais parlé à Rétro Nouveau parce que j'avais vraiment trippé. C'est mon jeu de char de l'année parce qu'ils ont réinventé la série Driver, mais ils ont aussi... C'est pas juste réinventer la série Driver, c'est réinventer la façon qu'on a de jouer à des jeux de char. T'sais, parce que ils ont la grosse mécanique là-dedans qui est sortie nulle part, puis... Les gars devaient être pactés en tabarouette pour penser à une idée comme ça, puis ça a dû être dur à vendre à leur boss. T'es dans une auto, puis tu peux sortir de ton auto. Dans le fond, ton âme s'en va dans l'âme de quelqu'un d'autre, admettons un trucker qui est de l'autre bord, tu sais. Puis juste ça, juste cette affaire-là, ça ouvre à plein de possibilités. T'es dans une poursuite de char, puis là, tu poursuis le gars, puis ça fait super longtemps que tu roules, puis t'arrives pas à le pogner. Finalement, tu sors de ton char, tu rentres dans un auto en sens inverse, puis tu rentres dans l'autre char, tu sais, direct en face. C'est tellement le fun, hein? Une satisfaction écœurante à faire ça. Puis même, mettons que t'es en train de faire une course, des fois, il faut que tu fasses terminer deux autos en même temps. Disons, les faire terminer première, deuxième. Fait que t'alternes, t'es dans une auto, tu t'en vas dans l'autre auto, t'as fait avancer. Tu reviens dans ton auto, t'as fait avancer. Fait que toutes ces affaires-là, c'est vraiment trippant. Puis ils ont aussi compris quelque chose qui m'énerve, moi, maintenant, dans les sandbox. C'est que les sandbox, c'est tellement grand qu'à un certain point, je me tente de rentrer d'une mission à une autre. T'sais. Ça me tente pas là, de rouler comme un mongol pour finir par aller faire ma mission. Fait que tu t'en vas au-dessus de la map complètement. Okay. T'es au-dessus de ta carte, puis tu vois des points un petit peu partout sur la carte. Là, tu fais comme, ah, OK, là, j'ai le goût de faire une mission de police. Fait que là, tu rentres dans un char de police, tu cours après des malfrats. Après ça, tu dis, ah, je veux faire une mission histoire. Mais tout ça se fait en pesant sur un icône. T'as jamais... Ben, tu sais, tu peux le faire aussi en roulant, puis tu vas avoir... un espèce d'indicatif à ton écran, mais si tu décides de pas le faire, tu peux très bien réussir aussi. Mais là-dedans aussi, t'as pas juste des missions de même sur le site, là. T'as un objectif principal. Ah non, t'as des objectifs principaux. Parce que dans le trailer, t'as un méchant, là. C'est le même encore. Oui, Jericho. Qui est, dans le fond, au début, là, t'as un gars qui sauve de la prison. Ouais. Puis... Jericho. Ouais, Jericho. Ben, le but du jeu, c'est d'aller le péter. Ouais, le but du jeu, c'est d'aller le pogner. On le pogne ça, mais on fait rien que d'autres choses tout le temps. Parce que tout le monde parle de ce jeu-là. Ah, oh, je fais ça. Oh, ouais, mais c'est le méchant, lui. Auto, c'est tellement trippant. Puis on dirait que les missions principales, quoi qu'ils sont vraiment le fun, t'es oublies un peu. Tu sais, c'est comme ça, super le fun, mais tu sais, tu fais comme. Ah, je vais faire plein de missions secondaires en attendant parce que c'est tellement trippant. Mais les missions principales sont le fun aussi. Ouais. C'est juste que moi, ce jeu-là, je le savoure encore. Tu sais, je le fais à 100% ce jeu-là. je le vendrai pas, je vais jouer pendant un an peut-être, puis tu sais, je joue tout le temps, puis je fais vraiment là, j'attends qu'il y ait plus de points dans mon écran pour faire ma mission principale, tu sais. Puis les missions principales, ce qui est le fun aussi, c'est que à toutes les fois que tu fermes ton système puis que tu reviens dans ta game, c'est écrit justement, tu sais, dans le dernier épisode de Driver, puis là, t'as tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans le jeu sous forme de film. Ça, c'est pratique. Fait que ça, c'est vraiment pratique. Tu sais où t'en es rendu, t'es plus impliqué dans l'histoire. Puis les deux personnages principaux de l'histoire, qui est Tanner, le personnage principal, puis ton coéquipier, sont vraiment drôles, puis sont vraiment bien castés, les voix sont écœurantes. C'est sympathique comme tout, tu vois qu'ils se sont pas pris au sérieux pendant tout en faisant ce jeu-là. Mais c'était la façon de faire vraiment. Là. On était dans une bonne année justement pour les réimaginations. Ouais, pour ils ont lancé la série avec ça, ben raide. Là, Driver sont sur une bonne lancée. Là. Maintenant, ils sont revenus sur la map, puis ça fait longtemps là, qu'ils rushent avec cette série-là. Moi, j'avais fait une critique d'un. Il avait fait Driver 76 sur PSP, c'était un navet épouvantable. Ah ouais. Tous les drivers qui sont sortis après Driver 1 et 2, je pense, c'était tous des navets. Là. C'est, okay. Ils réussissaient jamais à trouver leur voie, puis c'est plate. Mais là, ils l'ont trouvé, c'est marrant. Je vais aller avec ça, ce jeu-là, encore une fois, que j'ai découvert sur le tard parce que j'ai acheté une console next-gen cette année. Ouais. Puis c'était pas un Xbox, c'était un PlayStation parce qu'il est sorti sur Xbox avant. Oui, il est sorti en 2010 sur Xbox. Puis il est sorti sur PC avant ça aussi, je suppose. Ouais. Donc, il s'agit de Limbo, qui était un jeu dont je connaissais l'existence et je savais de quoi ça avait de l'air. Ouais. Et je connaissais un peu ça, mais j'avais jamais essayé. Puis... comme tout le monde, j'ai trouvé ça très sympathique, c'est très, très, très, très, très beau. C'est très, très, très poétique. Puis, c'est en noir et blanc. Et lugubre. Très lugubre. J'ai commencé à jouer à ça devant mon fils. Pagnaté, comme, je trouvais ça cute, je savais pas trop. Puis là, finalement, mon gars, les pièges à ours, la tête qui part, je me fais empaler par une araignée géante. Mon gars, il y a rien qui y arrive pas à ce beau petit gars-là, là-dedans. Là. C'est vraiment... Ouais, des fois, il se pogne dans une corde, puis il se pend. Il tombe, il s'écrase. En fait, c'est terrible, la façon dont ce petit personnage-là meurt. Ils ont pas... niaiser là, avec non. ça. Là. Ils se sont forcés là, pour trouver des façons de c'est le faire. C'est un enfant. Là, c'est t'sais. Ça, c'est un enfant. T'sais. Puis des fois, en background, tu vois des enfants dans des morts dans des cages, puis des affaires. Puis là, soudainement, whoop, tu continues un peu. Puis là, t'es sur le toit d'un hôtel. C'est écrit hôtel en gros chiffre électrique, en grosse lettre électrique. Puis je suis pas rendu à la fin encore, mais presque. Okay. Là, il m'en reste juste un petit bout. Là. Ouais. Puis tu passes... dans plusieurs univers, mais qui sont comme toutes reliées. Tu sais, moi, j'ai pas rien lu. Je veux pas être spoilé de rien. Je sais même pas pourquoi je suis là. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Je sais pas pourquoi le monde m'attaque, tu sais. C'est quoi cette bordel-là? Mais c'est parfait. T'es pas supposé le savoir non plus. Je veux pas le savoir. Je suis dedans. Le narratif se fait pendant que tu joues. Absolument. Il y a pas vraiment d'histoire avant quoi que ce soit. Il y a un léger développement. Pendant le jeu, tu sais. Ouais. Puis, mais ça t'aide, tu sais, tu vas pas allumer, là. On dirait que je cours après une petite fille, là. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va m'arriver à la fin. Puis, mais, tu sais, le monde dit, tout le monde dit, c'est spécial. J'ai trouvé ça beau, mais j'ai pas trouvé que c'était si spécial que ça, t'sais. Mais moi, ça m'a fait penser à Ico. Oui. En 2D, c'était un peu le même principe. Ouais. Moi, ça me fait penser à Another World aussi. Ouais. Puis la façon c'est sûr dont qu'ils sont allés chercher des inspirations. Ben, probablement, là, c'est ça. Fait que, tu sais, le gameplay, c'est pas compliqué. Là. T'as un bouton, t'as deux boutons. Sauter puis activer. Sauter puis activer, c'est ça. C'est tout. Ouais. Fait que ça, j'aime ça d'ailleurs. J'aime pas ça. Il y a 15 boutons pour jouer un jeu. Là, donc jouer avec une manette de NES. Ouais, j'aime les jeux qui se jouent simplement. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime tous les jeux qui se jouent sur la DS avec juste un stylet. J'adore ça. Mais non, j'ai pas trouvé que c'était si avant-gardiste que ça, côté gameplay. Mais ce qui est avant-gardiste, c'est la... Ben, c'est pas avant-gardiste, mais c'est juste très beau. Mais tout l'univers. L'univers est très, très, très beau. Mais aussi, des fois, moi, ce que j'aimais, c'est que la réponse est devant toi. C'est clair, ouais. mais tu le vois pas. Non, faut c'est vraiment ça. Que tu observes très bien les silhouettes qu'il y a à l'écran. C'est tout fait en petits chapitres, hein. C'est tout découpé en petites sections. Ouais. Fait que quand tu meurs, tu recommences, puis tu l'essayes, tu recommences. Ouais. Je suis pas resté jamais à la même place bien, bien longtemps. Une place, oui, mais c'est un truc de synchronisation. Des fois, c'est ça qui est étonnant aussi. Ton pied est juste sur le bout d'une caisse, ouais. pas assez, tu vas mourir. Là, à un moment donné, tu sais plus c'est quoi la limite pour réussir ou pour te planter. Ouais. C'est ça qui est fâchant là-dedans. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu recommences genre 20 fois, tu meurs 20 fois. Parce que ta caisse qu'il fallait que tu pousses, elle n'est pas poussée. Elle... Précisément, ouais. exactement. T'sais, en même temps, c'est ça qui rajoute ben, ça le fait challenge. Appel au, justement au bon vieux jeu de plateforme qu'il fallait que ça c'est chirurgical. Ah, totalement. Si t'es pas au bon endroit exact, ça marche pas. T'sais. Non, c'est ça. Puis j'ai une couple de trophées là-dedans, là, si vous me suivez personnellement sur ouais. Facebook. Vous avez vu ça pour ouais, je vois les trophées popés de ce ouais, temps-là. Ouais. Des fois, tu passes sur un autre chemin, ouais. où il y a une échelle en haut. T'as pas trop remarqué, mais il y a une échelle, tu sais. Fait que moi, je suis revenu, j'ai essayé de grimper dedans. Tu sais, bon, j'ai un achievement. Ben moi, je veux le refaire là, parce que je l'ai fait vraiment. Pour le faire, là. Je l'ai fait au complet, là. Je pense que je l'ai passé en peut-être deux soirées, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, j'aimerais ça le refaire, puis vraiment, tu sais, observer l'univers, tout ça. Mm. Moi, c'était Carl Tremblay qui en avait parlé à Monsieur Net. Ouais. Puis j'avais vu sa critique, j'avais fait comme, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Puis je le connaissais pas, ce jeu-là. Puis juste quand tu. Visuellement, déjà là, ce jeu-là, t'es conquis, là. Oh, ouais, totalement. Comme, puis j'allais partir, justement, ce soir-là, que tout le monde était chez moi, puis qu'on a joué à Kirby. Ouais. Après ça, j'ai parti le PlayStation, tu sais, puis j'ai parti ce jeu-là pour essayer de montrer un peu au monde, vite fait, ou à une personne, en fait. Ouais. Tout le monde a arrêté de parler. Tout le monde a fixé le jeu. Ouais. Puis là, tout le monde a essayé de m'aider à essayer de trouver c'était ouais. quoi. Non, non, tasse ta caisse un peu. Après ça, il faut que tu sautes par-dessus puis il faut que tu te dépêches. T'sais. Tout est en affaire de synchronisation. Les gens, là, ils ont embarqué d'une traite là, ouais, en regardant ça. Ce jeu-là. Puis ils trouvaient ça tout malade. Puis tous ceux-là qui avaient d'iPhone voulaient savoir s'il y a une version iOS. C'est vraiment... Ça m'a fasciné de voir ouais. à quel point ce jeu-là a attiré le monde. Donc, si vous n'avez pas joué... Vous n'avez aucune raison de ne pas avoir joué à ça. Là. Ben non, vous avez toutes là, les consoles à ce temps-là. XBLA PS3 est disponible. Là, c'est ça. Là. Ça puis là, sur PC ou whatever, c'est, ouais. c'est partout ce jeu-là. Donc, c'est vraiment très bien. Pour continuer, je vais vous parler de Uncharted 3, un jeu qui a pas fait l'unanimité, vraiment pas. Ouais, c'est vrai, hein? C'est un jeu, les opinions sont très mitigées par rapport à ce jeu-là. Il y a beaucoup de monde qui regrette. Qui ont pas trop aimé les jeux de tir dans ce jeu-là, le shooting. Okay. Parce que il y a une différence avec le deuxième. Dans le deuxième, évidemment, c'était beaucoup plus tight pour ce qui est du jeu de tir. Dans le troisième, c'est vrai qu'il y avait des légers problèmes. Maintenant, il y a un patch qui est sorti. Okay. Donc, ça règle ces problèmes-là. Ce sont pas, pareil, à mon avis, des problèmes. Okay. C'est juste que le développeur a voulu faire ça de façon différente. Puis c'est vraiment les hardcore qui ont remarqué le problème. Parce que n'importe quel qui joue à ça... Moi, mettons, pas je passe ça demain matin. Tu l'aurais jamais remarqué, vraiment. Okay. Là. Mais c'est ça... C'est... Malheureusement, c'est ce que je trouve plate des fois de nos jours, c'est qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gamers qui sont blasés. Ouais. Tu sais, puis qui sont comme ah, ouais, c'est beau, mais whatever. Tu sais, Uncharted 3, moi j'ai trouvé que c'est incomparable à un autre jeu parce que ça t'emmène là, dans un univers incroyable, ça change de setup à tous les chapitres. Ça change tout le temps, tu fais tout le tour du monde. Tout a été fait avec un souci du détail incroyable. Il y a des poursuites là-dedans, des poursuites à pied. Ouais. J'ai jamais vu de jeu où les poursuites à pied étaient aussi bien réussies que ça. C'est vraiment cool. En plus, ton personnage, Drake, est vraiment écœurant. Les animations sont débiles. Puis le contrôle de Drake est vraiment bon. Puis en plus de ça, ce qui est le fun, c'est que tu fais tout là-dedans. Je veux dire, tu vas... tu vas courir, tu vas sauter, tu vas t'agripper, tu vas aussi nager, tu vas aussi, à un certain point, tu vas voler. Il y a le fameux tableau de l'avion dont tout le monde parle. Ouais. Mais tout le monde parle du tableau de l'avion. Moi, c'est quand tu es dans le désert que je tripais. Okay. Il y a un moment où t'es dans le désert. Quand tu marches à quatre pattes et que tu meurs de soif. Ben, là, tu marches là puis tu rushes. Puis, il arrive totalement à te faire comprendre c'est quoi, même si j'ai jamais été dans le désert, j'imagine que c'est comme ça. Il arrive à te faire comprendre à quel point ton cerveau te joue des tours quand t'es dans le désert parce que t'as aucun point de repère. Puis comment ça peut devenir épouvantable de te promener dans le désert puis de pas savoir quand est-ce que tu vas arriver à une ville ou quoi que ce soit. Donc, ils ont vraiment, ils rentrent dans le psychologique du personnage puis ça fonctionne super bien. Ce qui est dommage, c'est que le jeu prend du temps à démarrer. Il y a, je dirais que les deux premières heures, quoique vraiment le fun, c'est vraiment là, t'es au début d'un film, tu sais. Puis en même temps, si on regarde Indiana Jones, le début d'Indiana Jones, là, c'est le même. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'as un 30 minutes là où Harrison Ford, il est à son école, puis il est dans ses livres, puis il parle de ce qu'il va faire, puis nanana. Puis là, tu fais comme, OK, mais moi, je veux te voir fouetter, tabarnouche. Ben, c'est un peu ça, Uncharted. Ils prennent leur temps, puis ils veulent vraiment te raconter une histoire, puis ils veulent vraiment te faire embarquer dans leur monde. Puis une fois que c'est parti, t'embarques là, sans bon sens, puis ça marche au bout. Moi, je trouve que c'est vraiment, tu sais, oui, le 2 était super bon, mais moi, c'est vraiment le 3e, mon meilleur. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui sont pas d'accord, puis je m'en sac. Ben, c'est parce que moi, j'ai aimé le 3e. J'ai trouvé que... Moi, c'est parce que je trouve que c'est une expérience complète, Uncharted 3. Puis la plupart du temps, les jeux maintenant, on trippe à cause du gameplay, même si le reste est pas terrible. Ouais. Mais là, c'est un tout, puis t'as une immersion qui est difficile à retrouver dans un jeu, tu sais. Ben, ce que les gens font, c'est qu'ils comparent au premier ou au deuxième, tu sais. Puis c'est pour ça qu'ils disent, on est là, pas sûr, whatever. Mais si tu le compares aux jeux vidéo en général, tu sais, je veux dire, out of nowhere, là. Ah oui. Moi, là, je sais même pas que ça existe, Uncharted, là. Ben, je sais que ça existe, là. N'importe qui, là, tu sais, ils pongent ça, ils jouent à ça. Comparativement à Dark Souls, comparativement à Skyrim, comparativement à n'importe quel jeu, ça va être très, très, très hot. Là. Exact. Je veux dire, le seul bémol de ce jeu-là, c'est quand on le compare à ses autres versions, tu sais, mais qui sont pas tant un bémol. Mais à ses autres versions, puis aussi aux autres jeux qui existent. Comme si moi, j'ai 5 minutes pour convaincre quelqu'un de jouer au jeu vidéo, je vais lui montrer Uncharted 3. Ouais. C'est vraiment, c'est comme devenu, là, d'après moi, le jeu pour montrer à quelqu'un pourquoi je jouerai au jeu vidéo, moi. Ben, pour ça. Ouais, ouais. Parce que ça va t'amener ailleurs. Ça, c'est tu veux vivre un film, là, fuck le 3D, fuck te mettre des lunettes d'en face puis essayer d'être immergé, là. T'sais, tu t'en sacres de tout ça. C'est Uncharted 3 te donne tout. Il te donne un bon scénario. Il te donne des super bons dialogues. Les voix sont excellentes dans ce jeu-là, chose qui est difficile aussi à atteindre dans un jeu vidéo. Le souci du détail, la variété qu'il y a dans ce jeu-là. Tous les tableaux sont différents. On t'amène aux quatre coins du monde puis on te fait faire une tonne d'affaires. Je veux dire, ses têtes, les contrôles sont vraiment solides. Le nombre d'armes aussi est vraiment intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, tu fais jamais la même affaire, puis t'es vraiment là, t'es dedans, là. Puis la finale est vraiment épique, est vraiment grandiose, puis c'est vraiment impressionnant. Là. Quand tu finis le jeu, tu fais comme, ah, OK, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus, là. Tu sais, t'es rendu là, tu fais, OK, il y a plus rien à faire, là. Je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus après ce tableau-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est cool, puis tu finis le jeu, puis t'es satisfait, là, ben raide de ton expérience. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis, c'est vraiment, là, j'ai un top 3 personnel, puis mon top 3 personnel, Uncharted 3, il est dedans. Bon, moi, je vais enchaîner avec Cave Story, un autre jeu que je l'ai découvert sur le tard, qui est un jeu indépendant. Je dirais même un monument du jeu indépendant. J'ai joué au DSiWare. dans le staff pick. Ouais. J'ai tout acheté là-dedans. Puis j'avais déjà vu ces sprites-là, tu sais, j'avais déjà vu sur Tiny Cartridge, mais j'avais pas trop regardé l'article, tu sais, j'avais vu le petit bonhomme. Je savais que avec quoi qu'il existait, tu sais, mais je savais pas trop c'était quoi. Puis correct, tu sais, puis là j'avais ma 3DS, puis j'avais pas de jeu, bien sûr, parce qu'il y avait pas de bons jeux. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'allais l'essayer. Ouais. J'ai sorti mon argent, c'est genre le premier DSiWare que j'ai acheté. Puis. Colin, c'était un bon pif. Ça en était un puissant, mon gars. C'est, ce jeu-là, c'est beau, là, c'est hot. Ouais. Je dirais que c'est vraiment Castlevania Symphony of the Night, mais avec des petits bonhommes dans des cavernes, là, finalement. T'es un petit robot. C'est vraiment sprite, là. C'est combien de bits, ça? Ben, 8, c'est, 8 ouais, 16, c'est, mais... C'est vraiment ces 8 bits, là. Moi, ça m'a fait penser au premier Metroid, là. Ouais, c'est ça. Un peu le même genre, dans des grottes. Un peu plus de profondeur, quand même, ça. Plus de stock. Mais bon, on pourrait dire Super Metroid, un peu, là. Puis, t'es vraiment un petit robot. Je savais même pas que j'étais un robot de part. Ouais. Le sprite est tellement petit. Puis, dans le fond, tu passes... Je peux même pas... L'univers de ça, l'histoire en arrière de ça est quand même très, très belle. C'est, ouais. Puis, je trouve que c'est difficile à décrire. C'est très difficile c'est à décrire parce que c'est dans un monde, tu sais... Dans un drôle de monde souterrain avec des robots, des petits lapins, puis des guns, tu sais, ça tire du gun, puis il y a un mec. Tu peux avoir des lapins qui vivent à côté des espèces de grosses bébites. Ouais, c'est ça. Passer au travers des lapins qui te feront aucun mal, puis avoir la bébite juste à côté. C'est un bizarre de monde. Ouais. Puis il y a un espèce de gros bloc, là, un genre de gros toaster, je sais pas quoi, c'est ton ennemi, tu sais, puis il te fait du trouble. Puis là, t'as un lapin qui est assez badass, il vient t'aider. En tout cas, ça. C'est un drôle d'univers. Ouais. J'ai commencé à jouer à ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Où c'est que je suis? Je comprends rien de tout ça. Mais j'ai embarqué immédiatement parce que juste tirer ton gun, c'est très agréable. Puis, t'en pognes plein de guns là-dedans. Ouais. Encore une fois, des power-ups. Et puis, tu pognes plein de trucs. T'sais. T'as du backtracking aussi en masse. Tu rencontres des personnages qui te donnent des choses. Puis, tout au long de l'histoire, tu peux manquer des affaires aussi beaucoup. Là, je suis rendu à la fin, au boss de fin. Je suis pas capable de le tuer, mais pour avoir regardé du gameplay sur Internet, j'ai vu qu'il me manque plein d'affaires. Là. Il y a genre 3 guns que j'ai pas. J'ai un genre de petit boost à l'horizontale qui me permet d'aller vite. J'ai même pas ça. T'sais. Je me demande encore comment j'ai fait de me rendre aussi loin sans ça. Mais c'est un jeu qui te pardonne pas, comme pour le gun, justement. Je peux pas y retourner le chercher. C'est terminé. C'est ça. Fait, mais j'haïs pas ça, t'sais, parce que il va falloir que je rejoue. Mais puis je vais rejouer. Tu apprends à la dure, puis tu l'apprécies quand tu l'as. Ben là aussi, il faut aller sur Internet un peu pour aller voir exactement ce qui manque, tu sais, puis ça te demande un peu de recherche, mais je trouve ça correct, tu sais, qu'ils mettent pas tout dans la bouche, puis que tu manques plein d'affaires, ça te donne le goût de le refaire, puis tu veux le refaire, parce que c'est vraiment agréable. Puis, c'est très... Puis, il y a aussi, il y a du monde qui meurt, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est tragique. La musique est bonne, tu sais. L'histoire est belle, mais en même temps, elle est hyper tragique, tu sais. Puis, il y a eu des gros... Il y a eu un bordel, tu sais, avant que tu arrives là dans l'histoire, tu sais, il y a eu beaucoup de morts avant. Toi, tu fais partie un peu de en tout cas, je veux pas en parler. C'est ça qui est drôle, c'est des personnages super cute, mais des fois tu lis ce qu'ils se disent, ils souffrent, des fois là, ils souffrent, ça ils ont souffert, tu sais, ça va plein pas de monde bien. Sont morts, puis c'est ah ouais, c'est ça, c'est pas drôle. Ils racontent ça puis ils disent un peu ben si toi tu peux faire de quoi tant mieux, mais je pense pas que tu vas pouvoir faire grand-chose, tu sais, puis pis t'as plusieurs fins aussi, tu sais. Il y a une autre fin où est-ce que tu te sauves, là, finalement. Tu te choques, tu sais. Le gars, il dit, bon, ben, écoute, c'est la merde, tout est fini. Le boss, il a réussi à pogner tel truc, faut qu'on crisse notre camp, tu sais. Embarque-tu avec moi sur le dragon ou sur le truc, je m'en rappelle plus c'est quoi. On s'en va. Là, tu sais, oui ou non. Là, j'ai essayé, je me suis sauvé avant, tu sais. Oui, là, je m'en vais. Et on s'en va. Puis là, ça dit, bon, ben, ils ont quitté, puis aujourd'hui, ils vivent cachés, whatever, puis c'est réglé, tu sais. OK, mais là, c'est bien poche. Fait que là, tu réessayes, tu rencontres qu'il y a encore beaucoup de choses, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, il y a une fille qui te demande, veux-tu trader ta mitraillette, tu sais, contre ce gun-là? Okay. Puis si tu le fais, ça va avoir une incidence, tu sais, plus tard, que tu pourras pas avoir l'autre gun, tu sais, c'est de même que tu manques des choses. Okay. Donc, il faut que tu repasses le jeu en prenant d'autres décisions pour essayer de tout avoir, tu sais, pour être vraiment ultimement puissant. Ouais. Puis je pense qu'il y a plusieurs fins aussi qui doivent dépendre du temps. Ouais, c'est sûr. Puis de ce que tu ramasses ramasses, puis de ce que tu fais, là, tu sais, ouais. Parce qu'on a une petite fille, à un moment donné, qui est notre amie, tu sais, puis moi, elle meurt, là. Désolé, spoil alert, en retard, elle meurt, solide. <C'est ça. rire> Mais... elle meurt. Oh, désolé, on va dire un spoil. Mais j'ai vu qu'elle ne pouvait pas mourir aussi, tu sais. Ouais. Il y a de quoi que j'ai pas fait de correct, tu sais. Je suis parti trop vite, la porte s'est fermée, elle est morte en arrière, tout a explosé. Tu vois, ça... Il y a du jus, là. Il y a du stock à faire. C'est sûr. Puis, c'est un très bel univers. C'est du génie, ce jeu-là. Mm. C'est très agréable. Puis, j'ai payé ça 10$. Puis, à l'origine, c'était sur PC, hein, sur ordi. Puis, il va avoir la version Cave Story 3D que je veux à Noël. Que ça va être la même chose, mais avec un peu plus de stock pour la 3DS en 3D. Non, j'ai hâte de voir aussi comment ils vont expliquer l'histoire. Moi, je trouve la faiblesse de ce jeu-là, c'est peut-être que quand tu commences ta partie, tu sais pas trop t'es où. Ça prend du temps avant que tu réalises un peu. Peut-être un peu trop. Tu par les personnages, peut-être par la suite. Ben, je pense que c'est pour ça qu'en recommençant le jeu, parce qu'au début, tu as plein de personnages, tu comprends rien. Puis quand tu recommences, c'est comme un film mélangeant un peu. Là. Quand tu le refais, là, tu sais qui est quoi. Exact. Quand tu le réécoutes ton film ou quand tu refais ce jeu-là plusieurs fois, un moment donné, c'est là que tu comprends toute la patente. Là, donc, ça te donne le goût de rejouer encore. Ouais. C'est vraiment dans mes très bons jeux cette année que j'ai découvert. Bon, je vais vous parler de Zelda Skyward Sword. En fait, je vais vous en parler quand même assez rapidement parce qu'il y a deux épisodes où j'en ai parlé vraiment beaucoup lors du passage de Joël Martel à notre podcast. Ouais. Zelda Skyward Sword, c'est juste un jeu qui m'a surpris une fois de plus. J'ai trouvé ça le fun qu'on on repense Zelda et qu'on se dise, ben, peut-être qu'on est tanné là, de la formule cours dans un champ complètement vide puis rentre dans un donjon, tu sais. Puis encore une fois, il y a beaucoup de monde qui ont vraiment pas accepté ce changement-là. Puis malheureusement pour vous autres, parce que j'ai lu aujourd'hui que Shigeru Miyamoto disait que, bon, ben, je pense que là, on est prêt pour des gros changements dans Zelda. Ah ouais? Fait qu'il disait que dans le prochain... Ça, c'était pas tant des gros changements. Ça, c'était pas des si gros changements. Puis il disait que dans le prochain, ils vont repenser Zelda. Ils vont repenser leur façon de faire. Puis ils vont faire comme, ben là, on réinvente la série. Là, c'est le temps d'y donner un nouveau souffle. Puis moi, je suis complètement d'accord avec ça, sauf que Skyward Sword, j'ai trouvé que c'était le ton parfait. J'ai trouvé que Link... C'était vraiment la meilleure façon de le faire. Puis j'ai trouvé que le côté cinématique du jeu était très réussi. On embarque dans l'histoire. L'histoire a l'air intéressante aussi. On t'explique beaucoup de choses dans le jeu. Oui, vraiment. Tu sais, c'est... Il n'y a plus rien de flou entre le lien entre Link et Zelda. On le comprend de plus en plus, puis on comprend un peu ses motivations derrière ça. Puis j'ai aimé l'histoire aussi du fait que c'est vraiment un bout de la Terre qui n'a pas été ravagé, qui s'en va au ciel. Puis toi, tu fais partie des habitants dans cette espèce de petite île-là dans le ciel. Puis voler avec des oiseaux dans le ciel, c'est quand même assez le fun, sauf que... T'sais, faut pas se tromper non plus, là, c'est pas l'affaire la plus cool du jeu. Il aurait pas aller plus loin que ça, mais je pense qu'ils se sont rendus compte que c'est pas ça de toute façon Zelda. Fait que quand tu te promènes dans tout l'univers, en dessous, quand tu te promènes dans les forêts, dans les grottes, dans l'eau, il y a énormément de choses à faire. Puis ce que j'aime, c'est la Wii Motion Plus. C'est vraiment solide, là. Les contrôles sont écœurants. Puis d'avoir à penser à une stratégie avant de tuer un ennemi, c'est la première fois que je joue à un jeu comme ça. Là. Ça m'est pas arrivé auparavant. T'sais, je pense qu'il y avait. C'était quoi, donc Champion Heroes ou je sais pas trop, le jeu avec la move où tu es contre des gladiateurs. Ah, pas bien. Là, fallait que tu fasses certains mouvements, mais encore là, tu sais. Ah oui. C'était pas exactement ça. Tu sais, je t'avais fait essayer un moment, c'est pas la même affaire. Puis là, Skyward Sword, c'est vraiment là, tu sais, tu vois le bonhomme, puis il bloque tes attaques, puis tu finis par comprendre son pattern. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun, parce que ça te fait repenser ta façon de jouer. Les donjons sont le fun, mais comme j'ai dit, c'est pas la star de Zelda. C'est vraiment tout ce qui se passe autour. Puis, regarde, moi, c'est rare que je vais passer 40 heures à jouer au même jeu puis à faire H-Trip du début à la fin, mais lui, regarde, j'avais des cernes jusqu'au menton, puis je continuais à jouer. j'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. Puis ça a été, écoute, à Monsieur Net, ça a été mon jeu de l'année, vraiment. Ah ouais. J'ai vraiment trippé. C'est pas mon jeu de l'année overall, mais dans les jeux de l'année que j'ai critiqué, les jeux que j'ai critiqués cette année à Monsieur Net, c'est vraiment mon truc. Fait que c'est un jeu que tu vas finir dans le temps des fêtes. Ah, il est fini. Ah, t'as eu le temps de faire ça. J'ai eu le temps de finir. Fait que, c'est le fun, la fin. Ouais. Ouais, c'était carrément la fin. En plus, ça donne. Ça, c'est pas un spoiler. Je pense que tout le monde le sait, mais ça ouvre sur la suite. T'sais, il va sûrement avoir une suite à ça. Ouais, fort probablement. Fort probablement. Puis, non, l'avenir est bien intéressant pour Zelda, puis plus intéressant qu'auparavant, parce que moi, mon préféré, c'était encore Wind Waker. Mm-hmm. Il n'y avait rien qui avait battu ça, puis là, c'est rendu mon meilleur Zelda à vie. Il n'y a rien d'autre pour battre ce Zelda-là, à mon avis. Donc, mon dernier jeu, mais non le moindre, qui est un petit peu mon coup de cœur de départ qui est venu avec mon PlayStation 3. Ben oui, hein, pour le Next Gen. C'est ça qui a ouvert le bal pour moi dans la nouvelle génération. Et j'en ai parlé souvent, c'est Renegade Ops, qui est un jeu qui est pas si spécial. C'est pas fascinant de regarder ce jeu-là, tu sais, c'est beau, c'est très beau, mais pour le fun que j'ai eu à jouer à ça et que j'ai encore aujourd'hui, j'ai joué pas plus tard qu'hier, un autre jeu que je veux finir dans le temps des fêtes, ça, je l'ai mis dans mon top là, parce que j'y reviens là, sans cesse. Ben, un peu comme moi, Dead Island, c'est pas un jeu merveilleux, mais t'as tellement de fun que tu regardes, c'est dans tes meilleurs jeux de l'année. Ben, c'est ça, puis c'est ça, ben, pour en reparler vite, t'es un Jeep, oui. Puis tu fonces dans le tas, t'as une map, puis tu te promènes à travers les chemins, il faut que t'ailles péter des choses. Faut que tu ailles faire sauter des trucs, y a des trucks qui t'attaquent, des missiles, des guns. Oui. C'est la guerre en Jeep, là, finalement. C'est très rapide, c'est super fluide, c'est un twin stick. Oui. Puis tu as des power-ups entre tes missions. T'sais, tu montes de niveau, ton Jeep il monte de niveau. Tu as 4 personnages différents qui ont des véhicules différents, qui ont des pouvoirs spéciaux différents chacun. Tout ça est enrobé dans un univers cartoon, tu sais, ouais. L'histoire, elle se déroule, c'est des images de cartoon avec des phylactères, tu sais. Ouais. C'était joli, ça, je trouvais ça très sympathique. Eh oui. Puis là où je suis rendu, l'histoire, elle a pris un tournant qui m'a quand même surpris, là. Je pensais que ça allait être très linéaire, puis non, il s'est passé un événement assez grave. Oh. Donc, tu vois, ça m'a surpris, ça. Puis les univers, justement, sont... Ah ben, tu peux être en Jeep, mais aussi tu peux être en hélicoptère. Des ouais, fois, tu switches de véhicule, puis tu pars en hélicoptère. Tout de suite, dans le premier stage, tu es dans la jungle, tu sais, classique, tu commences avec ça. Puis tu pognes un hélicoptère, puis tu vas t'attaquer à un gros porte-avions, tu sais. Ouais. Puis, waouh, le porte-avions, il est gigantesque, là, tu sais. Toi, tu le blasses de tous les côtés, tu fais le tour, là, comme une mouche, là, tu sais. Puis tu tires, cool, puis tu te fais tirer dessus, tu sais. De l'action, il y en a, là. Ça brûle, ça saute, ça éclate. Puis, c'est vraiment superbe. Puis, bon, à un moment donné, t'es dans une ville un peu africaine, t'es en Afrique. Après ça, t'es dans une mine, tu sais, puis t'es sur le porte-avions, tu sais. Ils te font promener un petit peu quand même. Ouais, ouais. C'est pas malade, mais c'est correct. T'es pas toujours dans la jungle, tu sais. Fait que ça, c'est bien. Mais c'est surtout, je checkais ça, je vais jouer avec toi, puis le contrôle du Jeep est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. T'es tout le temps en train de faire des burns, là, tu sais. Tu drifts, là, mais quand... puis t'as pas le choix de drifter au max. Faut tout le temps que tu sois en mouvement, là. Faut jamais que t'arrêtes de bouger, sinon t'es une cible, puis tu te fais péter tout de suite. C'est puis, cool, ça. Justement, le multiplayer, il est vraiment le fun. J'ai joué c'est ça, on game. On a joué ensemble, puis j'ai joué en ligne aussi avec d'autres personnes. J'ai juste réussi à jouer à 3, on peut jouer jusqu'à 4. Okay. Peut-être plus, je sais pas. Ça me surprendrait. Non, je pense qu'on peut jouer juste à 4. Ouais. J'ai réussi à jouer à 3, donc avec du monde, puis c'était super le fun. Ouais. Vraiment, tu fais tes affaires, les autres sont là. En fait, à 4, c'est pas mal plus facile. Ouais, bien sûr, t'as les mêmes ennemis, mais tout le monde les tire ouais, au lieu d'être ça. Un gars tout seul. Mais non, c'est une belle réussite, ce jeu-là. Puis les critiques étaient quand même pas unanimes par rapport à ça, justement probablement dû au fait que c'est pas si spécial. Ouais. Mais tout le monde s'entendait pour dire que malgré tout, c'est vraiment super le fun à jouer. Puis moi, j'ai bien du plaisir. C'en est un jeu, ça, qu'à un moment donné, entre une game de ci ou une game de ça, on va faire une petite mission de Renegade Ops, là, rien pour que ça pète. Puis le feeling que t'as quand tu te fais sauter des affaires, tu sais, puis t'upgrades ton gun, que au début, tu sais, puis après, tchou, puis elle fait tu sais, ça. Puis là, les balles sont grosses, puis ça fait sauter les jeeps, tu sais. Puis tu calls une attaque aérienne qui drop des bombes, ça pète dans l'écran, tu sais plus où ce que t'es, tu sais, il y a du feu, t'es en feu, puis les ennemis sont très originaux aussi, tu sais. C'est pas rien que des tanks, puis des jeeps, à un moment donné, il y a des juggernauts. C'est une espèce grosse machine, là. Grosse, là. Dans vraie vie, là, mettons, là, ça serait gros comme un. Quatre vannes collées ensemble. Là, ça tire de tous les côtés. Il y a des missiles, il y a du monde qui en sort. Okay. Toi, tu vires autour comme une mouche, là, puis tu essaies de le tuer. C'était bien le fun pour ça. Pas facile comme jeu. Ouais. Je joue à normal. Puis c'est pas facile, mais on y arrive. Puis justement, c'est pas décourageant. Là, puis ça. Tu montes de niveau au pire, fait que t'es plus fort. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. Il était 15$. Je sais plus rendu à combien. Je sais pas s'il y a descendu. Je suis pas retourné voir, mais c'est vrai que maintenant. Je trouve ça cher, 15$. Maintenant, quand j'y repense, je vois qu'il y a beaucoup de jeux à 10$. Je trouve ça un petit peu cher. Ouais. S'il était moins cher, ça serait vraiment un must. Ouais. Mais là, vu qu'il est à 15, c'est très le fun, mais c'est un petit peu cher pour ton fun. Ouais, pour ce mais c'est... pour moi, j'ai trippé. Puis, ben, toi, tu rentres dans ton argent. Là, moi, j'ai joué en masse, beaucoup, en masse. Puis, j'ai pas fini, puis ça, je vais le finir dans le temps des fêtes aussi, d'ailleurs. Et que je vais en avoir des choses à faire dans le temps des fêtes. Rien que faire ça, jouer, ouais, fuck off. Donc, c'est ça. Un peu cher, mais très agréable. Bon, mon dernier jeu, je le dis tout de suite, c'est mon jeu de l'année. C'est pas une surprise parce que dans le fond, c'est le jeu de l'année de bien du monde, mais il y a une raison à ça, c'est qu'il est excellent. C'est Batman Arkham City. Batman Arkham City, regarde, c'est que... Je savais pas que t'avais eu le temps de jouer à ça à travers toutes tes affaires. Oui, j'ai eu le temps de jouer à ça. J'ai joué quand même pas mal. Puis, bref, ce qui arrive, j'ai pas fini par exemple. OK. Je l'ai pas fini. Mais l'univers est incroyable. Je veux dire, ils ont vraiment réussi à faire une grosse ville. Arkham, c'est gigantesque. Là. C'est vraiment gros. Puis en plus de ça, moi, quelque chose qui me fatiguait un peu dans Arkham Asylum, c'était le système de combat. Je trouvais qu'il était le fun, mais qu'il était pas... C'était pas assez encore. C'est super le fun, mais c'était pas assez. Puis là, ils l'ont vraiment amélioré. Des fois, là, t'as un gars en avant de toi, puis deux gars en arrière. Tu donnes un coup de pied dans face du gars en avant, puis après ça, tu pognes les deux en arrière avec tes mains, puis tu le fais. Ouais. Tu le fais cogner à la tête derrière toi, tu sais. C'est vraiment écœurant, puis tu sais, t'as vraiment beaucoup d'ennemis à la fois, puis ça fonctionne super bien. Il y a aussi des armes, il y a des nouveaux gadgets que tu utilises, une espèce de gadget pour électrocuter, des trucs comme ça. Okay. C'est super le fun, c'est vraiment bien pensé. L'histoire toujours aussi bonne, là, ça veut dire c'est vraiment en tête, là, c'est du bon stock, c'est du bonbon. Puis moi, je pensais que le fait de mettre autant de personnages dans un jeu, ça pourrait le détruire, mais ça fonctionne bien, tu sais, tu poursuis d'un à l'autre, puis tu continues le jeu. Puis le jeu est vraiment, c'est fluide, là. L'histoire se fait d'elle-même, ça fonctionne super bien. Puis j'ai trouvé aussi que le jeu était te laissait peut-être moins dans le vide que le premier. Okay. Tu sais, à un certain point, tu sais, oui, il faut que tu aies quelque chose à faire, mais on te donne quand même un indice de ce que tu as à faire. Tu sais, t'es pas totalement perdu. T'as une carte, puis aussi, t'as quand même, tu vois les objectifs que t'as. Quand ta game est en train de se charger, tu vois les derniers événements qu'il y a eu dans l'histoire. Fait que ça, c'est le fun, il te rappelle tout ce que t'as fait. Puis aussi, bon, toutes les missions secondaires sont super intéressantes, ça marche au bout. Il y a un nouveau skin pack qui est sorti, qui est écœurant. Fait que là, tu peux jouer avec un vieux Batman, le Batman Year One. Tu peux jouer avec le Batman de 1960. Bleu et gris. Ouais. Ah ouais, hey, c'est hot. Fait que c'est vraiment cool, tu sais. Tu vois que Rocksteady, il trippe sur Batman. Pis c'est vraiment c'est l'ultime hommage au personnage. Puis tu te sens vraiment comme un. Tu te sens dans un jeu de détective. Mm-hmm. Parce que ça, c'est important. J'ai lu beaucoup de Batman, t'sais. Moi, dans ma vie, des comic books. Oui. Puis les détectives comics, puis tout ça. Puis c'est important que ça soit pas juste un brawler, ce jeu-là. Il faut qu'il y ait un élément détective. C'est vraiment un détective, là. Puis tu le sens dans le jeu que c'est un détective, mais ça devient pas lourd. Tu sais, il y a des jeux où tu vas avoir un côté détective, puis où tu vas finir par te taper ses nerfs parce que ça va être soit parce que ça va être trop compliqué ou à cause que l'énigme est juste pratiquement impossible à résoudre, puis tu t'essayes des affaires puis tu finis par l'avoir. Là-dedans, tout a une logique, puis tout fonctionne à merveille. Je l'ai évidemment pas fini, mais... Ça va être long quand même. Tu sais, c'est super long le jeu, puis les missions secondaires sont le fun, comme j'ai dit. Les énigmes du Riddler sont cool aussi à découvrir. Tu peux jouer avec d'autres personnages aussi. J'ai vu qu'il y avait Nightwing. Nightwing, moi, je l'adore. J'adore ce personnage-là quand j'ai vu qu'il était disponible. Là, c'est vraiment cool. Puis tu peux jouer aussi avec Catwoman. Robin aussi, tu peux jouer avec. Mais Catwoman, ce qui est intéressant... c'est quand tu achètes la version PS3, il te donne un code. Je sais pas si avec la version 360, c'est la même affaire, mais il te donne un code pour jouer avec Catwoman. Puis ce qui est intéressant, c'est que son DLC à Catwoman, c'est pas juste là, un skin, puis tu joues en tant que Catwoman. Elle a son histoire aussi. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça cool quand les jeux font ça, quand mais tu Night forces Wing, un peu. Là. Puis Robin, c'est-tu des DLC? Nightwing, puis Robin, il me semble, c'est juste des skins. Ah ouais? Ouais. Okay. Oh. Je suis pas certain, mais tu sais, là, je m'avance, là, je suis vraiment pas sûr, j'ai pas investigué beaucoup là-dedans. Mais vraiment, là, quel jeu trippant, c'est écœurant, moi, je savoure en masse. Ah, oh, c'est un jeu que je vais m'acheter, ça, c'est sûr et certain. Ah oui. Vraiment. C'est vraiment, tu sais, le premier était super bon, il était écœurant. Moi, je voyais pas ce qui aurait pu améliorer vraiment, mais dans le deuxième, c'est juste c'est améliorer tout ce qui fonctionnait dans le premier. Puis ils ont réussi, ça marche super gros, puis c'est pour ça que c'est comme un no-brainer, là, tu sais. Arkham Asylum était tellement bon que tu peux juste imaginer que ça... Ouais, t'achètes ça sans te poser de questions, ouais, c'est ça, c'est clair. Toi, ton jeu de l'année, c'est quoi? Ben, mon jeu de l'année, en fait, j'ai pas... je pensais qu'on allait revenir sur notre critique. Ah, c'est pas grave. J'en ai parlé en plein milieu, mais moi, ça va être Plants vs. Zombies. Oui. Parce que, écoute, c'est niaiseux, tu sais, parce qu'il y a tellement des jeux à grand développement qui sont sortis. Batman, tu sais, des affaires de même, c'est gigantesque. Mais j'ai pas joué à ça. Mais c'est là-dedans que t'as passé puis, moi, c'est là-dedans que j'ai passé plus de temps, puis que je suis rentré là-dedans si facilement. Oui. Puis j'en suis pas sorti encore aujourd'hui. Pour ça. Faire des meetings à toutes les semaines. Je vais dans des meetings à tous les jours, tu sais. Puis j'ai tout crissé ça là. Je me suis pris des cours de jardinage, tu sais. Puis j'essaie de m'en sortir. Ah, ton géranium. Non, mais c'est ça. Pour la façon dont ce jeu-là m'a retenu, tu sais. Puis pour le fun que j'ai eu à jouer à ça, tu sais. C'est pas un jeu gigantesque, comme je dis, mais moi, ça a été le jeu que j'ai collé, là, vraiment. Puis j'ai trippé. Ouais. Pas plus compliqué que ça va être ça. Ouais, merveilleux. Moi, je vais dire, on a aussi préparé des mentions spéciales. C'est pas. Ouais. On fera pas un gros survol, là, mais on va faire juste ça dire, vite. Hein, c'est déjà, ça, on va ça faire ça vite. Qu'on vire, là, on est rendu un podcast de deux heures. Mais nos mentions spéciales, on voulait juste nommer les jeux, d'autres jeux aussi qui nous ont fait triper cette année. Moi, dans mon cas, il y a Monster Tail, un petit jeu de DS qui est un genre de Metroidvania qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a essayé, qui est super bon. J'en ai fait la critique à Monsieur Net. Vous pouvez aller la voir, puis vous pouvez voir que j'ai vraiment trippé ce jeu-là. Puis malheureusement, il est vraiment passé inaperçu. Il n'y a pas grand monde qui a joué à ça. Il y a aussi Okami Dun sur DS qui était un excellent jeu, mais je me souviens plus si c'est sorti cette année. Il me semble que c'est sorti cette année. Il me semble que c'est sorti cette année. Il y a aussi Kirby Mass Attack. Ça a l'air de rien, mais il y a eu des bons jeux de DS cette année. Des jeux de PSP, il n'y en a pas eu. Mais des jeux de DS, il y en a eu des bons. Kirby Mass Attack, c'en est un que j'ai vraiment adoré. Brillant. Ça a été probablement le jeu où l'utilisation du stylet est à son meilleur, à mon avis. Il y a aussi Outland, qui est un jeu que j'ai joué sur 360. Il est aussi disponible sur PlayStation Network. Puis c'est un jeu où on mélange le chaud et le froid, si on pourrait dire. On a comme deux pouvoirs, puis ces deux pouvoirs-là peuvent nous permettre d'avancer, de passer sur certaines plateformes. Si on est en bleu, on ne sera pas massacré par les éléments bleus, si on est en rouge, vice-versa. Bref, c'est un jeu qui est super beau. Ça vient d'Ubisoft. Puis t'es comme une espèce de silhouette, puis tout le derrière est fait de façon très, très artistique. C'est vraiment un must. Le monde qui a trippé sur Limbo, justement, ouais, c'est ça, hein. Vont tripper sur Outland. C'est un excellent jeu. Ça fait penser un petit peu à Prince of Persia, de gauche à droite. Très bon jeu à jouer, absolument. Gears of War 3, j'ai pas eu la chance de jouer beaucoup, mais ce que j'ai joué m'a vraiment plu. J'ai trouvé qu'enfin la série allait de l'avant, parce que Gears of War 2, je trouve qu'il n'y a pas grande différence avec le premier, mais franchement. Puis le troisième me satisfait jusqu'à maintenant, mais encore là, j'ai pas joué beaucoup, fait que je pourrais pas dire mon jeu de l'année ou pas, là, j'ai pas assez joué. Puis, ce soir, j'ai critiqué Super Mario 3D Land. Oui. Et j'ai critiqué à M. Ness, j'ai donné un 8.5. OK. C'est vraiment un bon jeu. Sérieusement, c'est assez puissant comme jeu. Le seul problème que j'ai eu avec Super Mario 3D Land, c'est qu'il prend beaucoup de temps avant de t'offrir vraiment un challenge. Okay. Si tu as joué beaucoup à des jeux de plateforme, ce qui est notre cas, toi puis moi, moi, j'étais rendu au quatrième monde, là, puis j'avais pas trouvé mon homme encore. Okay, okay. J'étais vraiment là, j'avançais, je faisais comme, OK, c'est le fun, mais t'sais, donnez-moi quelque chose. Là, t'sais, j'ai réussi tout, j'avais tout le temps 3 étoiles, dans le fond, 3 jetons. Je ramassais tout, je mourais pas. J'étais rendu, j'avais comme une centaine de vies déjà, sans faire de trucs des 100 vies. Fait que, tu sais, je me disais, ben voyons, ça va-tu être de même tout le long? Tu sais, c'est le fun, c'est beau, c'est cute, mais... Puis finalement, non, on m'a surpris après ça. Ça a commencé à être vraiment intéressant, puis des gros challenges. Puis ce qui est le plus cool, c'est que rendu à la fin du jeu, une fois que tu l'as fini, puis... Ça, je donne le spoiler, puis je l'ai donné pendant ma critique, parce que je trouve que c'est important de le savoir avant de l'acheter. Le jeu fait un 180, c'est-à-dire que tu finis, puis là, après ça, on fait comme... Oups! Ah, regardez, il y a un tuyau juste en avant du premier tableau. Rentrez dans le tuyau pour voir. Tu rentres dans le tuyau, tu t'en vas en dessous, puis tous les tableaux que tu as faits sont tous réimaginés, puis refaits d'une autre façon. Fait que tu rejoues, c'est comme si tu jouais à un deuxième jeu. Ah, cool. Puis en plus de ça, c'est pas juste de faire la carte à l'envers. Des fois, t'en as un justement que c'est Evil Mario, c'est comme un Mario noir. OK. Puis c'est ton ghost, dans le fond. Tous les mouvements que tu fais, il est fait lui aussi. OK. Fait que si tu t'arrêtes, il te tue. OK. Fait que tu sais, t'as des fois des challenges de même. Bowser est différent de l'autre côté. Bowser, de l'autre côté, il est fait en ossement, puis il est super violent, puis il a des gros yeux rouges, puis il est plus rapide. T'as plein de petits trucs qui sont complètement différents. T'as le tanuki suit, mais là-dedans, tu peux te transformer en roche aussi. Donc, il y a plein d'affaires différentes qui ajoutent tellement au jeu. Puis, l'affaire la plus importante que j'ai pas dit, tu sauves la princesse dans la première version du jeu. Puis quand tu t'en vas de l'autre côté, tu sauves Luigi au premier tableau. Ah, je pensais que tu aurais sauvé Pauline. Oui, c'est ça. Non, tu vas pas sauver Pauline. Fait que là, tu vas sauver Luigi. Puis au moment de sauver Luigi, tu peux jouer avec Luigi après. Ouais. Fait que c'est cool, tu sais. Ils ont vraiment mis le paquet. Puis j'étais pas convaincu au départ, mais là, peut-être. Vraiment, là, c'est sans contredit le meilleur jeu de la 3DS. Ouais. C'est meilleur que Steel Diver. Oh, Steel Diver. Mais tu sais, en plus de ça, c'est que ils font bonne utilisation de la 3D. Moi, c'est le seul jeu où j'ai jamais fermé la 3D. Ouais. Ça m'est arrivé à 2-3 reprises pour voir si c'était vraiment essentiel pour aux fins de la critique. Mais j'aimais beaucoup jouer avec le 3D dans ce jeu-là. Tu sens un effet de profondeur. Il y a beaucoup de tableaux à la verticale où tu es vraiment haut dans les airs, puis tu as un certain vertige avec la 3D. Fait que ça marche. Fait que non, vraiment un très bon jeu, mais dans mes 10 jeux, c'est parce que c'était 10 jeux que j'ai trouvé très originaux. Puis Super Mario 3D Land, quoique original, c'est quand même du déjà vu. Ouais. C'est un très bon jeu, mais on peut pas dire qu'on est impressionné et qu'on n'avait jamais vu ça. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Pour revenir au Tanuki Suit, là, faut pas démêler deux affaires. Ouais. Là. T'as le Raccoon Suit. Là, ouais, le Raccoon Suit. T'as la queue, là, puis les oreilles. Puis le Tanuki, c'est le petit ours, là. Comme, exact. Mais qu'il y a une queue de. Il y a une queue, de, c'est. De raton, lui c'est aussi. C'est que, là. À vrai dire. Puis il se transforme en statue. C'était le même dans Mario 3. Ouais. Puis là, c'est ça qu'ils ont ramené. C'est pas le saut de raton, là. Non, c'est que le saut de. La différence entre les deux, parce que j'ai cherché moi avec, parce que je me disais, il me semble que c'est similaire. Le saut de raton. Tu pouvais voler. Tanuki aussi. Tanuki, tu voles pas. Tanuki, tu flottes. Tu sais, t'es rendu dans les airs, puis là, tu shakes la queue, là, pour planer. Puis là, tu vas pouvoir planer. OK. Mais that's it, tu vas pas voler, tu vas pas t'envoler dans les airs. Dans Disneyland, tu voles-tu ou tu planes rien? Tu planes. Okay. Tu planes rien. C'est ça, tu voles-tu ou tu planes rien? Non, c'est ça. Puis le pouvoir de la statue de roche, tu l'as juste quand tu utilises la feuille Tanuki grise. Ah, OK. Fait qu'il est pas disponible tout le temps. Fait qu'ils ont comme un peu switché les affaires. T'as aussi un nouveau power-up, que c'est un boomerang qui est vraiment cool, super le fun. Tu peux aussi maintenant faire une roulade avec Mario, chose que tu pouvais pas faire auparavant. Fait que non, c'est vraiment un super bon jeu. Si vous avez une 3DS, c'est un no-brainer, il faut l'acheter. Ouais. Fait que c'est ça, mais toi, vas-y avec tes mentions spéciales. Première mention, ça va être Kickmaster, qui est un jeu de Nintendo qui était fait par Taito, qui est arrivé sur le tort vers la fin. Ben, pas tout à la fin, mais plus la moitié de la vie de la NES, là, quand même. J'avais vu que ça existait. Je connaissais, j'avais jamais joué. Ouais. Je l'ai trouvé dans un bon spot, dans un magasin à Tadfeu. Je l'ai eu pour pas cher. Tadfeu Mines. Puis, je suis très content d'avoir essayé ce jeu-là. Ça me fait beaucoup. Bon, il est tard. Ça me fait beaucoup passer à Castlevania. Sauf qu'au lieu de fouetter, tu donnes des coups de pied. Tu sais, t'es le Kickmaster. Tu te bats juste avec tes pieds comme ça, des coups de karaté, là, tu sais. Puis, tu montes de niveau. Comme t'apprends des nouveaux kicks, puis tu ramasses des trucs, tu sais, en butant les monstres, là. C'est, ça se fait bien, tu sais. C'est beau, l'univers est beau, la musique est bonne. C'est pas maladement original, tu sais, parce que justement, ça fait beaucoup penser à Castlevania. Mais c'est un jeu de NES qui, tout de suite, quand j'ai commencé, j'ai eu du fun avec quand même. Oui. Puis je trouvais ça... c'est ça, t'embarques, puis tout de suite, là, tes kicks deviennent meilleurs, puis tu as un peu de stratégie, mais c'est vraiment, c'est tout le temps sur le côté, t'avances, tu kicks, c'est pas hyper original, mais c'est le fun. Nice. Un autre jeu que j'ai trippé beaucoup, je sais pas si c'est sorti cette année, ça, Gradius Rebirth, moi, je l'ai acheté cette année. Non, il est pas sorti cette année. Les trois Rebirth de Konami, soit Gradius, Castlevania et Contra, sont sortis l'année passée, je les ai tous. Mais Gradius, je l'ai acheté cette année. Puis, je trouve que c'est le meilleur des trois. J'ai pas joué, moi. C'est vraiment, vraiment bon. Étrangement, Castlevania, moi, il m'a laissé bien froid. Je trouvais que c'était un mélange d'un peu de toute la musique de Castlevania par-ci, Game Boy par-là. Je trouvais pas que c'était la suite ou le truc de Castlevania Adventure au Game Boy. En tout cas, on parlera pas de Castlevania. J'ai été déçu, mais Gradius m'a pas déçu. Je trouvais ils ont rajouté des armes là-dedans, la musique. T'sais, c'est encore Gradius, mais... ben, avec ben de la sauce, là, j'ai trippé, là, vraiment. Pas aussi puissant que Gradius 3 au Super NES, mais un très, très bon Gradius. Dans la même veine, Blaster Master Overdrive, tu m'as dit que tu l'avais mal critiqué. J'ai tellement pas aimé, là. Moi, j'ai aimé ce jeu-là, parce que, encore une fois, je l'ai trouvé assez simple. Trop simple. Très, très simple, effectivement, mais je me suis plus complu. Dans cette simplicité. Puis, t'as pas le choix. Là. Pour les tableaux, tu sors de ton Jeep et que tu rentres dans les cavernes, là, c'est difficile. Puis, t'as pas le choix de faire un peu de farming pour booster ton gun. Oh, parce que si ton gun n'est pas boosté, tu passeras jamais au travers. Là. Donc, ces petits éléments-là, ils ont étiré la sauce un peu, mais tous les upgrades qu'il y avait sur ton tank, tu sais, puis l'univers, ils ont gardé un petit peu les mêmes tunes. Tu sais. Fait que c'était un bel hommage. Puis, je savais même pas que ça sortait. Je suis arrivé sur le Wii Start, clac, c'était là. Je l'ai acheté, j'ai eu du fun, c'était pas trop cher, donc pour moi, j'ai bien aimé ça. Un autre truc que j'ai acheté sur le Wii Store, encore une fois, j'ai acheté beaucoup, Castlevania Rondo of Blood, qui est un must pour toutes les Castlevania, qui est à la base au PC Engine. Ça vient juste avant Symphony of the Night, c'est l'introduction de Richter Belmont. Donc, si on veut savoir d'où est-ce qu'il vient, ce gars-là, puis il est où dans le timeline, faut jouer à ça absolument. C'est un Castlevania très différent entre les vieux, entre ceux-là sur le NES puis le 4, tu sais, avant les Metroidvania, tu sais, je trouve qu'il est vraiment seul dans son genre. Là. T'as une version américaine, Dracula X, qui est, quant à moi, inférieure. Même si c'est quand même bien, mais j'ai pas trippé autant que quand j'ai joué à Rondo of Blood, là... des passages secrets et tout. En tout cas, c'est un bel univers. Oui, c'est sûr. Puis c'est bien fait, puis c'est badass, man. J'ai bien aimé ça. Puis pour finir, un autre jeu de NES très rapide. J'ai acheté ça rien que parce que la boîte était clean. Le jeu était complet, là. Sa tablette, 7$. propre. On dirait que le gars, il a juste enlevé le plastique puis il l'a mis là pour la vendre. C'est incroyable. C'est Batman Returns au NES. Oh, moi, j'avais trippé. Parce que moi aussi, bon, j'ai un bon jeu de Batman cette année. J'avais trippé sur Batman Returns au Super NES. Lui, il était bon. Ouais. Mais Batman 1 au NES, c'était Persona Soft, c'était très différent. Mais ça, c'est vraiment bon, dans l'histoire de Batman Returns, okay, là, pour vrai. Mais avec une twist. Mais je m'attendais à rien de ce jeu-là. T'sais, je me suis dit, il l'a eu sur la Super NES. La version NES doit être de la merde. T'sais, ils ont fait ça juste pour le faire. Là. Mais ton bonhomme, c'était dans la version Super NES, hein, que ton bonhomme était super grand. Ouais. C'était comme Final Fight, Super NES, ça, mais comme Batman. Le t'sais. L'écran, ouais, absolument. Ouais. Ça, c'était très bon. Mais la version NES est très bonne aussi. Ton personnage est plus petit, mais la musique est excellente, l'univers est bien fait, ça suit le timeline du film. C'est un jeu là, que j'ai acheté rien que parce qu'il était clean et qu'il était pas cher, puis wow, j'ai eu vraiment du fun avec. Et je l'ai pas fini encore, mais ça va venir, donc un bon jeu de NES. Great. Malade. Ben moi, je vais vous parler maintenant de ma déception de l'année. Oui. Ma déception de l'année, c'est Elle est noire. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Est-ce que le monde n'a pas été assez patient avec ce jeu-là? Moi, c'est le feeling que j'ai en écoutant tout le monde bâcher. Là. J'ai l'impression que les gens l'ont même pas fini, tu sais, puis l'ont abandonné. Puis... Moi, j'ai été très patient parce que c'est un jeu que j'attendais depuis un méchant bout, puis... Je me suis dit, ben, ça va être des enquêtes, c'est des détectives, ça se passe dans les années 20, fait que je m'attendais à un certain style de jeu puis tout ça, mais c'est juste que on te donnait tout le temps l'impression que tes questions et réponses dans tes enquêtes allaient changer quelque chose. Ça ne changeait absolument rien. Ah ouais, t'sais, pis des fois aussi, tu poses un jugement sur une fille t'sais, qui est là, puis tu dis, admettons, ouais, mais on dirait que vous mentez, puis tout ça. Puis finalement, la fille est comme super frustrée contre toi. Pis il était tout le temps frustré. Tout le monde avait la même attitude. Il n'y avait pas de personnage t'sais, qui avait la chienne ou qui. Tu sais, je trouve qu'il n'y avait pas de demi-mesure dans ce jeu-là. On dirait que tout le monde était le même personnage. Puis c'était super beau. Puis l'univers était vraiment, vraiment superbe, mais le jeu était plate. Les passes de tir, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand il y en a, sont vraiment moyennes, sont super faciles. Tu peux locker sur l'ennemi aussi. Fait que c'était quand même assez facile de tuer un ennemi quand tu avais à le faire. Fait que c'était pas... Tous les éléments du jeu fonctionnaient plus ou moins, mais c'était pas terrible. Les chars, c'était moyen. Ouais, c'était pas bon, les chars, là-dedans. C'était pas bon, les chars. Puis l'affaire, c'est que c'est ça, tu sais, c'est... Grand Theft Auto, depuis tout le temps, tout le monde chiale ses chars. Tout le monde dit comme... Hey, ça va faire, là, les chars qui jump super haut dans les airs, puis qui bump énormément, puis... C'est, on est tanné des chars qui ont l'air de vaisseaux, là, que ça ne fonctionne pas pantoute, la physique est pas bonne. Puis dans Elle est noire, ben pourquoi pas, on a un sandbox avec des autos, on fait la même affaire. T'sais. Ah ouais? C'est, le contrôle était vraiment mauvais, là, ça ne tentait pas de rouler et de te rendre à mission. Fait que tu sais, moi c'est vraiment les enquêtes, genre les entrevues, j'aimais pas ça, t'sais, parce que je me suis vite rendu compte que. Quoi que je fasse, de toute façon, ça allait fonctionner. Ouais, t'sais. C'est ça. Que j'avais pas vraiment. C'est plate, ça, même. Tu sais, c'est plate. J'aurais aimé ça, justement, que tes choix ont vraiment une influence sur ton jeu. Un peu comme je disais dans Infamous 2 tantôt. Tu sais, c'est pas moraux à faire. Mais crime, ça a une influence sur l'histoire, puis il va se passer de quoi à la fin, dépendant de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux aussi auxquels moi, je joue pas. Que c'est comme ça aussi, je pense que même dans Skyrim aussi, ça doit être comme ça, c'est ce genre de jeu-là. Puis c'est ça qui fait triper quand tu sais que ce que tu fais a une influence sur ton expérience de jeu. Puis là, Elle est noire, c'était pas le cas du tout. Moi, j'ai toffé Elle est noire pour être tout à fait 100% honnête. Je l'ai toffé pendant 10 heures. Je pense que c'est quand même bon, assez là. Bon. Là. Tu sais, 10 heures là, à donner à un jeu que tu tripes pas, ben. C'est ça, tu t'étires la sauce pour essayer de trouver le fun, c'est mais à un moment donné, s'il n'a pas. Moi, je me suis donné, j'ai dit, crème, à un moment donné, je vais embarquer puis tout. Puis au final, je comprenais pourquoi j'embarquais pas. Je me dis, ben, regarde, c'est juste, il brisé à quelque part, ce jeu-là. Ils ont tellement passé de temps sur la technologie. Ben, c'est ça qui est arrivé, hein. C'est une expérimentation, ce jeu-là, de la part de Rockstar, là, en fait. Là. Sûrement qu'on va retrouver de cette technologie-là dans leur prochain jeu. Dans le prochain Grand Theft, j'ai l'impression qu'on va retrouver cette technologie-là. Moi, j'espère juste qu'ils feront pas. Qu'ils feront pas l'erreur qu'ils ont faite, c'est-à-dire de te donner l'impression que tu as des choix, mais que finalement, c'est pas cool de faire ça, ça marche pas en tout. Non, c'est clair. Puis ce qui est plate, c'est que tous les critiques ont fait la critique de L.A. Noir, puis ils ont tous fait comme « Alright, un 8, un 9, un 10! Ouais. » Puis là, après ça, quelques mois plus tard, « Ah, L.A. Noir, c'est de la merde. » Fait que tu sais, ils ont probablement, justement, ils ont joué pendant un certain temps, puis ils ont arrêté, ils ont pas fini le jeu, puis... La titre, ça finit là, je sais pas. Mais tu sais, c'est vrai que quand tu commençais le jeu, c'était vraiment impressionnant. Fait que, ouais. Tu tripais, pis coudonc. Non, les vraies critiques sont à rétro nouveau, man. Les vraies critiques qu'il faut suivre. Les big time. Ben, moi, je vais y aller aussi avec ma déception de l'année, qui est un jeu dont j'ai même pas mentionné le nom du tout pendant l'année, mais je voulais le faire dans le premier épisode quand on a commencé et tout ça. Puis je l'ai acheté juste avant qu'on commence. Il s'agit de Illusion of Gaia au Super Nintendo, qui est comme le dernier RPG auquel j'ai donné du temps depuis un bon petit bout. Puis ça fait partie d'une série, ça, en fait. Ouais. Le premier, c'est Soul Blazer, que je possède, que j'adore, qui est vraiment bon. Le deuxième, c'est Illusion of Gaia. Puis le troisième, c'est Terranigma, qui est sorti juste en Europe et au Japon. Okay. Fait que ça fait partie d'une suite, ce jeu-là. C'est qui faisait ça? C'est Squaresoft? C'est Quintet. Okay. Puis non, c'était Enix. Okay. Les deux, Soul Blazer. Mais le deuxième, Illusion of Gaia, Nintendo est embarqué là-dedans. Okay. Puis je pourrais pas te dire exactement à qui, mais genre les gens de Rare là, cette clique-là. Nintendo a embarqué dans Illusion of Gaia. Okay. Puis moi, je me rappelle dans le temps, quand j'habitais en Beauce, tu sais, mais je venais à Montréal, à Ronde, il y avait le Dome Nintendo. Puis Illusion of Gaia était hyper annoncé là-dedans, dans Nintendo Power, était hyper annoncé. Puis sur la cassette, sur la tranche, là, sur le dessus, le titre, il est turquoise. Pareil comme Mario, pareil comme Battle Clash, pareil comme tous les jeux qui sont faits par Nintendo. Fait que je sais pas, on dirait que Nintendo a rentré là-dedans, puis ils ont comme cochonné un peu le truc. Parce que Soul Blazer, c'était cool, puis ça, c'est juste plate. Okay. En gros, c'est un RPG, mais action RPG. Tu te promènes dans Soul Blazer, tu te promènes, tu tues des monstres. Il en sort tout le temps, mettons, de la pastille à terre. Mm-hmm. Quand tu les as tous tués, la pastille s'éteint, puis là, il y a de quoi qui te débloque dans le monde au-dessus. Là, tu rentres dans des univers, tu vas péter les monstres, puis ça unlock des affaires en surface. Là, tu ressors de cet univers-là, puis là, bon, tu continues ta quest. Ouais. C'est dur à expliquer, là. Mais dans Illusion of Gaia, j'ai trouvé que même si c'est comme... Ça se veut le même feeling, mais c'est pas pareil. T'sais, ton petit bonhomme, il est trop cute. Les sprites sont trop gros. C'est hyper endormant, tu sais, il y a rien qui se passe là. Puis l'histoire, c'est tordu, je comprends pas, tu sais, pourquoi je suis là. Je comprends pourquoi je vais dans ce village-là. À un moment donné, je suis dans un village qui est sur des pilotis. Après ça, je suis dans le désert. Là, je rencontre quelqu'un, tu sais. Puis l'histoire des personnages est tellement pas intéressante. Les unes envers les autres, petite histoire d'amour, tu sais, un petit truc. On sait que je suis spécial, là, moi, là, parce que je peux me transformer en genre de guerrier à un moment donné. Puis c'est pareil comme sur Blazer, par exemple. Tu rentres dans un monde, tu détruis tous les ennemis du monde, ça débloque des trucs, tu sais, quand tu ressors de ce monde-là, puis là, tu continues ta quête. Mais les mondes sont pas beaux, tu sais, ils sont pas aussi riches graphiquement que Soul Blazer. La musique est pas aussi hot que Soul Blazer. Rien n'est aussi hot que Soul Blazer. Puis je l'ai toffé, mon gars, je suis rendu quand même loin. Puis je l'ai pas fini. Puis j'ai même pas le goût de le finir, tu sais. Mais il faudrait, là, ça me travaille en dedans, tu sais, de laisser ça là. Mais il faudrait que je le fasse. Mais boy, que c'est endormant. C'est décevant. Puis il y a du monde qui ont adoré ça pourtant là, sur Internet. T'sais. Ben c'est ça, il y a un gros suivi là-dessus, mais moi je comprends pas parce que c'est totalement inférieur à Soul Blazer. Puis Terranigma est vraiment un excellent jeu à ce qui paraît. Je l'ai pas, je vis pas en Europe. Puis Illusion of Gaia, c'est comme le mouton noir tant qu'à moi. Puis j'ai pas eu de plaisir. Puis j'étais content, je l'ai trouvé neuf. Tout emballé, puis je pensais que ça valait cher. Ça vaut même pas cher, tu sais. Puis j'ai pas eu de fun, tu sais. Tout est trop cute, tu sais. Pour moi, c'est très raté. Bon, ben great. Ben, c'est ce qui conclut notre spécial de fin d'année. Moi, je voulais te demander à quoi tu vas jouer pendant le temps des fêtes, parce qu'il y a des jeux qu'on n'a pas pu acheter. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, il y a des jeux. Si j'aimerais avoir à Noël, Cave Story 3D. Si ouais. je peux avoir ça, je vais jouer à ça. Toi et Joël m'avez mis la puce à l'oreille avec Metroid Other M, oui. auquel je n'ai pas joué. Ouais. Je possède la trilogie de Metroid Prime, mais encore une fois, j'aurais jamais le temps d'embarquer là-dedans. Là, t'sais. Fait que Other M semble une belle. Une autre option intéressante. Puis ouais. Ça a l'air le fun. Ouais, c'est simple. Puis c'est ça que je cherche, moi, des jeux le fun et ben simple. Ouais. Donc, je vais jouer à ça. Puis je vais finir tous les jeux dont que j'ai mentionnés tantôt. Ouais. Là, je vais être pas mal là-dedans. Ah, j'ai reçu, vous avez peut-être vu sur le blog, j'ai posté ça cette semaine, Rygar de Legendary Adventure ça, au PlayStation 2. Donc, finalement, je l'avais commandé sur eBay. Ça avait été super long avant que je le reçoive. Donc, je l'ai eu. J'ai commencé un petit peu déçu, mais j'ai rien fait encore. Là. J'ai joué 45 minutes, là. Okay. Donc on va lui donner sa chance. Mais même si c'est pas beau, même si je suis déçu, je vais le faire pareil parce que j'aime Rygar. Puis je vais jouer à mes 70 jeux dans la télévision. Ah ouais, là t'en as en J'en ai en masse. Là. J'ai bien du nettoyage de cassettes à faire aussi avec mon Q-tip et mon alcool à friction parce que c'est vieux et c'est encrassé. Ah, fait que toi, tu vas jouer à quoi? Moi, j'ai du rattrapage à faire à cause de Zelda. J'ai pas été sur la map pendant quasiment un mois. Fait que moi, je vais pogner Saints Row the Third. Ouais. J'ai vraiment hâte d'essayer. Rayman Origins aussi. Ouais, moi aussi, ça. J'ai vraiment hâte d'y jouer. Modern Warfare 3, Battlefield 3 aussi. Ça, c'est des deux jeux qui m'intéressent super gros. Puis c'est pas mal ça, probablement sur 3DS aussi Shinobi que. Oui, j'aimerais ça l'essayer moi aussi. Moi sur 3DS, en DSiWare, j'attends Mighty Switch Force qui est le troisième de la série des vrai. Switch. Boy, je sais pas que ça niaise, là, c'est supposé sortir depuis longtemps. Ouais. Donc de la minute que ça sort, je me le prends. Puis genre, moi, je vais recevoir mes jeux d'ambassadeur de Game Boy Advance. Je vais jeter un œil à ça aussi. Mais j'ai déjà fait la plupart de ces jeux-là. Anyway. Ah ouais. Fait que, j'aimerais aussi avoir Ocarina of Time. Parce que je vais l'avouer, là, de Red Seat, là, j'ai jamais joué à Ocarina of Time. Ah. Parce que j'ai pas eu Nintendo 64. Puis c'était ça 64. Oui, c'était ça 64. Donc voilà, j'ai jamais pu jouer à ça. God. Puis mais je suis pas un fan de Twilight Princess. Je suis pas nécessairement un fan des Zelda en 3D. Donc j'ai peur de pas aimer ça. Ouais, c'est, ça se pourrait que j'aime pas ça. Pas ça aussi, j'ai vraiment l'impression que je pourrais ne pas aimer ça. Donc je suis quand même réticent. Ben si t'aimes pas ça, je vais avoir un ami qui aime pas Ben ou peut-être je vais tripper, je sais pas, tu sais, mais j'ai Twilight là, ça il m'a pas embarqué. Okay. J'ai pas embarqué par Caroline. Ah puis aussi rapidement sur iOS, moi là présentement je joue à Infinity Blade 2. Ouais. Super gros, excellent jeu. Puis là, j'ai vu aujourd'hui, j'avais mis sur Rétro Nouveau que Batman Arkham City Lockdown, qui est un jeu sur iOS qu'on s'attendait pas à ce qu'il sorte pantoute. Il a l'air d'être un jeu de combat à la Infinity Blade qui sort. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. Fait que c'est pas mal ça pour mon temps des fêtes. Sinon, du reste, je vais respirer. Ouais, respirer, dormir, grossir. Ah ouais, dormir. Ouais, grossir. C'est clair. Yes. Ben merci tout le monde vraiment de votre support pour notre demi-année d'existence. Ça va super bien. On a beaucoup de monde qui nous suivent. On a un bon feedback. Vraiment, tout le monde semble apprécier notre produit. Puis on est bien contents, nous autres, avec. Exact. On a eu des problèmes, on a réglé nos problèmes, on essaye tout le temps d'améliorer, là, de trouver des nouvelles idées. Il y a question de vidéos là, pas mal ces temps-ci, on essaye de trouver une twist pour ça. On va peut-être pogner des nouveaux micros, pogner un local. D'ailleurs, l'histoire de local n'est pas terminée non plus. Exact. Donc, l'avenir est... L'avenir est grandiose. Est grandiose. Puis, on revient comme d'habitude... En janvier. D'ici là, on va continuer de mettre des choses sur le blog aussi, là, jusqu'à Noël, quelque chose de même. Là. Moi, je vous dis, mes parties de Noël commencent 21-22. Après ça, je risque de plus mettre grand-chose. Ouais, c'est ça. Parce que je vais être à l'extérieur de la ville aussi. Je vais être à Saint-Hubert, je vais être en Beauce, je vais revenir, je vais avoir des activités familiales avec mon fils, toute la famille. Je vais essayer d'être le moins possible devant un ordinateur, en fait. Là, les seules choses que je vais regarder, ça va être les games de hockey puis les jeux vidéo, mais plus d'ordinateur, là, je n'ai plein mon casque. Ah, c'est sûr, là. Moi, ce qui se passe pour moi dans les prochaines semaines, cette semaine, parce que vous écoutez le podcast lundi, Je fais la critique de Dead Moon's Quest, qui est un jeu pour la Move à Monsieur Net. Et la semaine suivante, ma dernière critique de l'année, ça va être Mario Kart 7 okay. sur 3DS. Oh. Qui est dans le fond ma dernière critique de l'année, c'est le 22 décembre. Donc, Monsieur Net, on finit cette année, ça termine le 23 décembre et ça recommence le 4 janvier. Moi, je serai pas là, la semaine du 4 janvier, mais je vais revenir la semaine suivante. Donc, pratiquement la même chose à Rétro Nouveau. Ça ouais. va être en début janvier, probablement dans la deuxième ou troisième semaine. Excellent. Fait que c'est ça. Fait que, écoutez, joyeuse fête. Oui, joyeuse fête à vous fête tous. Déjà bien à l'avance. Oui, vraiment. Bonne année 2012. Oui. Puis au pire aller, dans le fond, maintenant, vous l'êtes tapé au complet, puis il a duré 2h30. C'est l'enfer, il est tard. Oui, il est tard en tabarnouche. Je vous aurais dit, ben, tu sais, écoutez-le en 2-3 parties, comme ça, tu sais, ça va. Ouais, ouais, ça va garnir pour les semaines prochaines. Absolument. C'est trop vrai. Tard, vous l'avez écouté. Puis, on espère que vous avez trippé. Fait que, ben c'est ça. À la prochaine. À la prochaine. On se voit en janvier. Yes. Retro Nouveau.